Et merci pour cette soirée qui s'est terminée là avec un peu lourd. Un gros dos là. On va vous retrouver dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. On est là du lundi au jeudi. Tous les soirs on est filmé. D'ailleurs vous pouvez tout voir ce qui se passe dans les studios. Funradio.fr, plein de photos, des conneries à mater sur le site funradio.fr et puis sur notre Facebook, Loving Fun. On va retrouver Mickaël avec toute l'équipe. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Salut. Bonsoir à toi Mickaël. Ah, ça fait tellement longtemps, j'ai presque oublié que qu'il y avait le studio. Mais oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? On a pris des vacances. Non, oui, au début j'ai pris des vacances, mais après. J'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez vu mon bleu? Le doc, il a vu mon bleu ou pas sur le Facebook? Non, j'ai pas vu. On t'a frappé? Je me suis vautré en fait comme un con. Tu dis la vérité, tu déclares tout. Ah oui, bien sûr. Ça fait longtemps que je te dis d'arrêter l'alcool. Mais c'est l'anesthésie parce que je me suis fait opérer mardi un truc à la con des oreilles, bon vite fait. C'est vrai que t'avais des choux-fleurs. Moi je le vois ton bleu là sur le Facebook. Chaud, hein. Waouh putain. Il est violent quand même. On t'a refait les oreilles parce que t'avais des. Voilà, j'avais. T'avais des freins. Non, pas du tout. Non, ça c'est l'auditeur hier qui en avait. Non, mais moi j'avais des problèmes avec je sais pas des cristaux, je sais pas quoi. Enfin bref, en l'occurrence dès que je faisais un truc que je bougeais trop vite, je me cassais la gueule, enfin j'étais pas bien, donc voilà. Mais non, en fait tu tombes tout seul, donc non, mais final, non, je me suis tombé parce qu'il y avait l'anesthésie, le médecin m'avait dit ne faites rien, et comme évidemment parce que je me suis pris pour meilleur que les autres, je me suis dit je vais quand même prendre une douche parce que quand même, et puis bam, le drame. Une petite chute bien pas dramatique en soi. Courage Mickaël. Ça va aller, je pense. Tu veux un petit coussin? Non, mais par contre tu peux amener ma chaise roulante si tu veux. D'accord, j'arrive. Ah bah oui. Ça c'est gentil. Bon, allez, à rencard demain. Ouais, ça marche. Et puis on est parti maintenant en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun. Ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Je vais me branler parce que j'en peux plus, moi. Ah oui, branle-toi fort. J'en peux plus, je vais mettre mon caleçon. Oui. Salut Michel. Salut Mickaël, je t'appelle pour un PV moi aussi. Attends, t'as quel âge Michel? Oui. D'accord, c'est pas la réponse que j'attendais. Mickaël No Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exact, on est là, bonsoir tout le monde. Ça y est, de retour à la radio. C'est un truc de ouf entre les vacances et cette merde de dos là. Je suis venu une fois lundi dernier. Donc, en gros, depuis le 25 avril, je me suis pointé une fois à la radio. Bravo. Ce qui est quand même plutôt sympa. Mal. Niveau de la planque, c'est pas mal. Ouais, niveau de la planque, c'est bien. Ouais. Non, mais bon, quand même, on a quand même fait l'émission hier soir en direct de chez moi, jeudi soir en direct de chez moi. Ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, je suis content de retrouver le studio et la radio, même si j'ai mis plus de temps entre la voiture et le studio qu'entre chez moi et la radio globalement. Parce que bon, forcément, marcher avec un demi-pas à chaque fois, c'est évidemment beaucoup plus long. Oui, je m'attendais à ce que Polo et Toff m'accueillent avec une petite chaise ou une brouette à la limite, tu vois, pour m'amener, mais non, en fait, non. Brouette. Pas eu de rien eu, je suis arrivé tout seul. Tout ce que Polo a réussi à faire, j'étais là avec mon sac à dos qui pèse 3 tonnes, mais qu'il arrive, il fait, oh, quelle lenteur, regarde, et hop, il me dépasse. Et il me laisse derrière comme une merde avec mon sac, le casque, tout ce qui pèse lourd. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai appris qu'un des métiers où il y a le plus de psychopathes, ce sont les médias. Parfait. Voilà, donc on va se faire une bonne émission entre psycho. C'est ça qui est bon. Ça va bien se passer. De 23h à 2h, du lundi au jeudi, vous connaissez le principe, vous connaissez l'horaire. Et le dimanche également, de 20h à minuit. Il y a Vanessa également qui est avec nous maintenant là, dans le Vaucluse. Salut Vanessa. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Ça va impeccable. Bon, bah écoute, tant mieux Vanessa. Bon, dis-moi, est-ce que t'es déjà sorti avec un mec des médias, de la radio, de la télé, d'internet? Non, jamais. Non, jamais, mais je vais pas rester trop longtemps parce qu'après je vais me coucher parce que demain je travaille. Ah, évidemment. Mais là tu me racontes ta vie là, Vanessa. Je te demandais simplement si t'es sorti avec quelqu'un qui était déjà dans les médias parce que apparemment c'est les plus psycho, mais bon, alors, en l'occurrence c'est pas le cas. Bon, du coup tu vas aller dormir toi Vanessa, c'est ça? Ouais, ça, mais avant de dormir, je peux passer une dédicace? Si tu veux, alors en speed, une seule personne, choisis la bonne. Bon, allez, ça prend 2 minutes, hein. Ouais, dédicace, non, mais alors tu rêves, minutes, alors même pas 2 minutes. Une seule personne, Vanessa, vas-y. Alors, dédicace pour mes parents. Voilà, c'est fini. C'est tout. Il fallait bien choisir. D'accord. Voilà. Très bien. C'était parfait. Le message est passé, alors c'est parfait, impeccable. Pas à qui, mais. Bon, Vanessa, on va pas te déranger plus longtemps alors. Non, mais ça va, pas de soucis. Très bien, bon, salut Vanessa alors. Ça va. Allez, salut, Cam. Salut, Vanessa, ciao. Bon, nous sommes dans une faille spatio-temporelle. C'est ça. Voilà, je pense que c'est bon, nous sommes prêts à en sortir. À débuter l'émission. Ouais, je pense que là, c'est bon, là, tout va bien. Bon, bah, si vous voulez parler avec des psychos, on est là. Hein. Vous faites le 01 42 48 5000 comme tous les soirs et le 02 851 4x0. Et puis, on parlera entre psychos de ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Voilà. Oh mon dieu! De comment bien découper un cadavre, enfin tous ces trucs là. J'ai revu Sandro là. Depuis, j'ai été ébloui. Non, surpris. Ça finit par I aussi, mais en fait non, je vais pas être surpris parce que je m'attendais à avoir une bombe de meuf débarquer après le régime et tout. Ouais. Mais s'il a touché Polo, dis la vérité. T'as touché Sandro? J'ai touché les abdos, oui, il y a des abdos, mais c'est pas ça qui fait. Non mais attention, mais tout le monde a des abdos. Oui. C'est juste que. Ouais, mais les miens, on les sent un peu plus que d'autres. Ah ouais? Ouais, en ce moment. Qui est le d'autre? Christophe, par exemple. Par exemple, bah oui. Je vois pas de qui vous parlez. Non, bah nous non plus. Hein. Bon, comment va la piscine? Comment va le sport? Écoute, je rappelle, ça va donc, pour l'instant, mais j'ai mal. Franchement, j'ai mal partout. Bah je rappelle qu'il y a trois semaines, elle nous a avoué qu'en fait, ça fait un an qu'elle payait le sport et qu'elle n'y avait jamais été. Mais elle savait pas ce que c'était ce retrait tous les mois en fait sur son compte bancaire. Ah, putain. Et donc elle s'en est rendue compte maintenant. Mieux vaut tard que jamais, me diras-tu. Bon, Tof qui est également content de pouvoir enfin rappeler ses amis ce soir. Ah bah oui. Faire enculer, voilà, tout simplement. Bah tout simplement. On va venir te défoncer le cul, espèce de pédé. Voilà, et puis on avait aussi un super ami. Au PDA, au PDA Kotcheva. Voilà. Au PDA. Au PDA. Ils m'ont manqué. Ah bah oui, j'imagine. Bah on les retrouvera tout à l'heure, évidemment. Allez, tous vous faire enculer. Voilà. Simplement. Bon, et donc Tof nous avait dit hier que ce soir il avait besoin de monde puisqu'il avait un super thème. Ah oui. Voilà, donc on va les appeler d'ici une petite demi-heure, même pas 25 minutes à peu près. Si vous avez des numéros déjà de personnes très très chaudes qu'on pourrait appeler comme ces gens-là dont on vous a mis l'extrait, n'hésitez pas, direction le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, Polo qui est revenu aussi au plus près de son armée des doux. Ben oui, après toute cette aventure, ces allers-retours non-stop là. Exactement, Je retrouve l'armée des doux. L'armée des doux est de retour. Je rappelle qu'un doux est un auditeur de Fun, donc qui n'a pas encore mué. Et je rappelle aussi que même les auditeurs d'autres radios sont les bienvenus s'ils veulent devenir des doux, hein, des doux officiels. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. On essaiera de vous envoyer des médailles aussi. Comment ils appellent ça? Non, mais à l'armée, ils ont des. Ah oui, bah c'est ça, c'est des. Des médailles, non, des galons. Des décorations. Il faudrait qu'on arrive à trouver ça. C'est une décoration de doux. Pour voir, tu sais, pour monter un petit peu tous les grades et tout le bordel. Un petit bout de velours. Un petit bout de velours. Je sais pas, on essaiera de trouver quelque chose. Une plume, ouais. Ah oui, enfin, comme ça, ça fait un peu ringard. Ouais, ça fait un peu ringard, une plume d'autre. Hein, mais bon. Bon, et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah, n'hésitez pas. Hein, vous nous appelez maintenant, vous nous dites. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il y a Magda qui dit bonsoir tout le monde. Salut Magda. Jérémy aussi qui dit le chat de Mickaël va me manquer. Oui, ah bah en plus, j'ai appris que c'était ses 6 mois hier. Il a 6 mois tout juste, le chat Izzy. Ah bah, on a la petite vidéo quand même qu'on va mettre. Ah bah je sais pas, je t'ai envoyé pour voir si on pouvait la découper comme il fallait. C'est parfait, c'est parfait. On pourra la mettre que demain, mais elle est prête. Ah, je vous en dis pas plus, mais qu'est-ce qu'il est con ce chat. Pauvre minou. Non mais il est pas pauvre, il est complètement stupide. Non, je suis pauvre minou. Mais moi, non, j'ai pitié en stupide. La vidéo. Enfin bon, bref. Bon, vous la verrez, on vous la mettra demain, le temps de la découper. Et vous la verrez demain, je vous la mettrai sur le Facebook, sur le YouTube également, la chaîne YouTube de l'émission, tapez Mickaël officiel. Stéphanie qui dit bonsoir, bah salut Steph, Fredes 34 aussi. Ah merde, c'est ballot après la douche. Se vautrer, je suis plié. Bah ouais, non mais c'est pas après, en fait je suis tombé dans les pommes à cause de l'anesthésie. Et comme j'ai une espèce de. Comment. Comment on appelle ça? Un petit banc. T'as beau faire un truc en carrelage qui fait partie de la douche, quoi. Une espèce de tronc d'endroit où tu peux t'asseoir à la limite. Et en fait, je me suis vautré dessus. Donc j'ai été voir le médecin tout à l'heure qui m'a dit: oh, bah écoutez, oui, bah le bleu est pas mal, effectivement. Bon, là, on peut rien faire. Hein, prendre des cachetons pour calmer un peu. Et il dit: bah vous avez eu de la chance, hein, vous seriez tombé quelques centimètres sur le côté, c'était la colonne. Ah oui. Ah bon, bah ça va, alors. Bah voilà, rassuré, je suis plutôt chanceux alors. Bon, bah tant mieux. David également avec nous de Sarcelles. Salut à toi, David. Comment vas-tu? Salut. Salut Mickaël, t'es en forme David? Ouais, tranquille. Bon, tant mieux David. Toi t'appelles parce que t'as envie de jouer pour gagner, évidemment. Gagner quoi? Gagner l'iPad mini qu'on offre toute la semaine. Ce serait pas mal, un petit iPad mini, ouais, n'est-ce pas? Pas mal. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Bon, alors pour ça, il faut faire péter la colle. La colle, bah écoute, j'ai envie de te dire go, hein, c'est parti pour la colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne. Vas-y pour la colle. Alors, je suis invisible comme rien, mais tu peux m'entendre. Tu peux me prononcer, mais si tu me répètes, je disparaîtrai. Qui suis-je? La bite. Est-ce que c'est la bite? Non, c'est pas ça. Bon, alors, je suis invisible comme un rien, mais tu peux m'entendre. Tu peux me prononcer, mais si tu me répètes, je disparais. Qui suis-je? C'était ça? Ouais. Très bien. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, bah, vous y allez, hein. Vous pouvez jouer. N'hésitez pas. Facebook.com, tapez Mickaël officiel. Vous allez, je vais vous mettre la colle. Bah, je vous mets la colle maintenant. Tiens, ça y est, c'est parti. Si vous avez la bonne réponse, vous répondez. Et puis, on tire au sort. Donc, allez-y. Bonne chance. Facebook.com/Mickaël officiel. Et puis, par SMS, pour ceux qui n'ont pas internet, tapez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. L'iPad mini a gagné sur Fun Radio. T'as envie d'écouter un son particulier, David, ce soir ou pas? Non, pas spécialement. Si je te propose Pharrell Williams, t'aimes bien? Ah ouais, j'aime bien. Eh bah très bien, je te le mets tout à l'heure avant minuit. Ok. Il y aura aussi le son de Pitbull. Avec Gio, bien sûr, We Are One. Ouais, j'aime bien. Ah bah tant mieux, Katy Perry avec Burnley. Et puis, alors, bah évidemment, c'est un de mes morceaux préférés, je peux pas ne pas le passer, hein. Le son d'Avicii, Lay Me Down. Là, on va te chiller pendant que Toff ira. Chier. Évidemment, bien sûr. Voilà, et si vous avez d'autres propositions, bah, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Ce soir également, le grand retour du Top Tweetos, puisque cette fois-ci, la machine est... Bah, enfin, c'est pas que la machine était partie, elle était bien à la radio, c'est nous qui n'y étions pas. Voilà, ouais, mais voilà. Là, tout va bien, tout fonctionne. Donc, si vous voulez gagner vos sextoys ce soir, en faire part. Au passage du désir.fr. Eh bien, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis, bah, celui qui aura le plus tweeté ce soir repartira avec le sextoy. Ça vaut quand même quasiment. Il y en a des bien chers. Il y en a des bien chers quand même. Il y a Hugo Rio qui dit lol, Mickaël, c'est tellement un beau gosse qu'il est tombé, même en tombant, il garde le swag. C'est un beau gosse. Au revoir, merci Hugo Rio, c'est gentil. Hugo Rio qui est troisième en ce moment. Ah, pas mal. Bon, on vient de commencer en même temps. Hein. Louis aussi qui dit bonsoir, en début d'émission, puis-je avoir un message de bienvenue? Bah, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Allez, tous vous faire enculer. Voilà. Bah, voilà. Simplement. Eh bah, tout simplement, c'est aussi simple que ça, effectivement. Voilà. Allez, David, tu restes avec nous. On donne la réponse avant minuit 30. Et puis, on va. Qu'est-ce qu'on va se faire aussi ce soir? Ah oui, oh là là. Est-ce que vous êtes déjà fait voler par des profs? Ça t'est déjà arrivé, David, ou pas, toi, de te faire voler par des profs? Ouais, moi. Non. Jamais? Ces gens, ils te confisquent un truc et ils te le rendent pas? C'est plutôt l'inverse, on va dire. Ah, c'est toi qui tires au prof, d'accord. T'as déjà piqué quoi au prof? Je me souviens plus, ça faisait longtemps. C'était un petit classe. Non, mais je demande ça parce qu'il y a un prof en Colombie qui faisait la collection des autocollants Panini de la Coupe du Monde. Tu vois les trucs là que tu colles dans le livre pour avoir la collection avec tous les joueurs de foot, etc. etc. Et il y a la fameuse image dorée là que tout le monde veut là. Exactement, exactement. Et bah, pour finir plus vite son album, en fait, il confisquait les Panini, les autocollants donc de ses élèves. Et du coup, il faisait sa petite collection à lui. Oh le bâtard. Voilà, donc. Voilà. Ah ouais, l'enculé quand même, c'est clair. C'est abusé. Donc venez nous dire si vos profs. Vous ont déjà confisqué les choses sans vous les rendre, ou en tout cas ils ont essayé de confisquer. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler dans quelques minutes. Je vous mets le post sur le Facebook également. David, tu restes avec nous, on aura Pierre dans quelques minutes. Et puis le son également de Mr Props avec Waves, c'est ce qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Il est 11h13, Mickaël No Limit, 20h, 23h, 2h du mat du lundi au jeudi et 20h minuit tous les dimanches sur Fun. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio, 23h15. Il y a Keisha sur Twitter, pas la vraie, pas la chanteuse, ouais. Non, je pense, hein, qui j'aimerais bien fermer de voir, mais le problème c'est qu'il y a Mickaël à la radio. Merde, bah oui, mais Keisha. Bon, écoute, envoie-nous tes devoirs et puis Toff va les faire. Avec plaisir. Pour demain matin, on va te livrer ça sur ton mail. Un bon zéro. C'est clair. Oh, on garantit pas la note. Il y a Arthur qui dit je vous adore. Il y a Valou qui dit bonsoir Mickaël, j'espère que ton dos va mieux. Bah écoute pas des masses. Enfin si, ouais, non, ça va un peu mieux, mais faut le temps que ça passe quoi. On m'a dit, le médecin m'a dit que le bleu allait descendre. Ah, il va descendre. Apparemment, il descend au niveau du. Oui, c'est ça, avec le sang. Moi, ça m'est arrivé à la gueule, ouais. Tout descend comme ça. De toute façon, je me suis ouvert ici, j'avais un bleu immense, et tout descend comme ça. Quand il dit ici, c'est sur son front. Ouais. Ah ouais. Et donc ça descend, ouais. Donc, tu vas finir par l'avoir dans le cul, quoi. Bah, je vais surtout finir par avoir plus bas dans le cul, effectivement. Et cela dit, parce qu'on en parlait hier dans l'émission, hein, le fait que ça chatouille, c'est effectivement parce que. Merde, putain, il m'avait dit, j'ai oublié. Ah, parce que le sang repasse, je sais pas quoi. Enfin bref, en l'occurrence, quand t'as un bleu qui commence à chatouiller, c'est que ça guérit, donc c'est en voie de guérison, donc c'est bien. On est con, on aurait dû demander au doc. Bon bah voilà, Enzo aussi, moi c'est en 5ème, un prof m'a pris un porte-clés couteau, je l'ai payé 12 euros, il me l'a jamais rendu, l'enfoiré. Ah les bâtards. Bon bah venez nous dire s'il y a des profs qui vous ont déjà piqué des trucs genre confisqués et qui vous ont jamais rendu. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous êtes tous les bienvenus. 23h16, on est tranquille. Tout à l'heure, chérie, je peux te faire cocu, ce sera en 30 minutes. Donc si vous voulez jouer avec nous, bah, n'hésitez pas, vous nous appelez aussi. Et on revient après Mister Prob, c'est Waves. Tranquille, avec le son de Mister Probs à l'instant sur Fun Radio. C'était Waves, il y aura Pharrell Williams à suivre dans quelques minutes aussi avec Marine Monroe. Please call again. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et pour ceux qui voient pas, eh ben ce sera ça. Pharrell Williams et Marine Monroe à suivre dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis la grosse tuerie, évidemment, un de mes sons préférés là. Avicii, Lay Me Down. Ce sera tout à l'heure sur Fun. Bougez pas de là. Si vous avez envie d'écouter les sons en particulier ce soir, comme d'hab, eh ben vous prenez le contrôle, hein. C'est un peu le slogan de l'émission. Bah vous tapez hashtag Mickaël sur le Twitter. Vous demandez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous réagissez à l'émission également, il n'y a aucun problème non plus à ce niveau-là d'ailleurs, hein. Vous êtes tous les bienvenus. On est en direct jusqu'à 2h. Il y a Devers45 sur le Twitter aussi. Moi quand j'étais plus petit, une prof m'a confisqué un objet, elle me l'a jamais rendu. Mais quel objet, Devers45? Oui. C'est ça qui c'était intéresse. Mon vibro. Mais oui, bah peut-être. Ouais. Non, mais parce qu'en Colombie, comme je le disais, pour ceux qui viennent de débarquer, il y a un prof qui faisait la collection des albums Panini, tu vois, les trucs de Coupe du Monde, là, avec les petits autocollants de toute l'équipe, etc. Et donc, comme il faisait la collection avec les élèves aussi, bah, du coup, il voulait y arriver plus vite à la fin de sa collection. Et surtout, gratos. Donc, en fait, il confisquait les autocollants des élèves. Dès qu'ils jouaient en cours, etc., etc., hop là, confisqué, et il les gardait pour lui. Et il y a Maxime, notre joueur a fait pareil. Bah oui, attends, ouais, c'est normal. Attends. Il y a Maxime qui dit, demain je commence les épreuves de BTS, je vous écoute en révisant. Eh ben ça va être beau, tiens Maxime. Mais c'est bien. Reste avec nous Maxime, c'est très bien. Bah oui. Il y a la friterie Elba qui nous salue et on salue également. Brandon qui dit, si demain je me lève pas, tu pourras me faire un mot d'absence. Si tu veux, bah baguette. Là aussi je garantis pas la validité du mot d'absence, mais je peux le faire. Et Erwin qui dit, moi un prof m'avait pris une montre que je venais juste d'avoir, il me l'a pas rendue. Et alors Marlex qui dit, rien de mieux que Mickaël avant d'aller dormir, je reste à vous écoutez malgré la fatigue, je vous kiffe, merci beaucoup Marlex. Bah en tout cas je te souhaite bonne nuit parce qu'à mon avis et peut-être à un moment tu vas, oui, tu vas, bah, il va lâcher quoi. Ah ouais, tu vas peut-être lâcher à un moment ou à l'autre, c'est possible. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis un truc sur le Facebook de l'émission, ça a bien marché, il y a eu beaucoup de réactions. C'était les mois de l'année que bref, en gros t'es né en octobre toi, oui. Ça veut dire en octobre que tu es un show. Oui, je voilà, savais que déjà. Chaud. Polo, lui, c'est février. Février, c'est ça, ouais. Bah alors finalement, non, ça veut, en fait, non, on n'allait pas voir, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Quand on est en février, on est sexy. Eh ben, je suis sexy. Ne veut absolument rien dire, à la mais preuve. Mais si, Polo, il est hyper sexy. Ah ouais, il est très sexy. Ah oui, voilà. Ah, qui est né en janvier? Personne n'est né en janvier là? Sandro et c'est. Oh, Sandro en février aussi, genre elle est sexy aussi. Alors là. Ah, c'est quoi? J'ai pas suivi. Ah ben, c'est quand t'es en février. Alors, janvier, c'est les pervers. J'aurais bien vu Toff là-dedans, tiens. Février, c'est les sexy. Mars, c'est beau ou belle. Avril, c'est aime l'amour. Donc, moi, j'ai quoi, le truc avril, le plus ringard. Bah oui, moi, j'ai le truc le plus ringard. En mai, c'est dragueur, dragueuse. En juin, c'est chiant. En juillet. Quoi que ça, t'aurais été bien en juin, là. Elle aurait été bien, février, Sandro, en juin. Sexy. Juillet, c'est ami unique. Alors là, ceux qui sont nés en juillet, bon, c'est dramatique. Hein. Bizarre. Ouais. En août, c'est emmerdeur. Quoique, ça aurait bien été aussi à Sandro. Septembre, c'est coquin. Octobre, c'est chaud, chaud. Novembre, c'est génial. Et décembre, c'est merveilleux. Voilà. Bon, c'est allez bizarre. Nous dire ce que vous êtes hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Et puis, bah, donnez-nous vos dates, enfin, pas vos dates de naissance, mais en tout cas vos mois de naissance. Qu'on voit un petit peu qui vous êtes. Voilà, qu'on vous découvre au fur et à mesure. Dans quelques minutes, les appels de top. Et puis on va prendre Claude avec nous maintenant de Pornic dans les Hautes-Pyrénées. Salut Claude. Oh, salut. Comment ça va? Ça va l'équipe? Eh ben très bien Claude. Et par solidarité avec toi, moi et Toff, nous allons parler comme ça. C'est, ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, arrêtez directement là avant que je m'énerve et que je prenne au courant. T'as raison, puni Toff, qu'il soit puni là parce que ça se fait pas ce qu'il vient de faire. Le mec qui assume pas. Ouais, ouais, c'est ah, ça. Bravo, bon, et restez calme, c'est le premier avertissement, il n'y en aura pas deux. Bon, Claude, qu'est-ce qu'un prof t'a déjà piqué toi? Ouais, c'est ma prof quand j'étais en sixième, cette connasse. Attends, t'avais quoi? Ouais, j'ai sorti mon téléphone, tu vois, elle était en train de donner cours. Portable. Je sors mon téléphone et elle me le confisque, mais quelle connasse! C'est ça qui non, s'est passé? Non, on avait ramené des vibros, là, des petits vibros, vibromasseurs. Normal. Et on les a tous enclenchés. Ouais. Et elle me lâche au rave. Bah oui, tu voulais qu'elle fasse quoi? C'est bizarre ça, la chora, elle voulait pas me le confisquer, elle voulait jouer avec, ouais. Note, elle a peut-être fait pire de coup. Fait plaisir. Peut-être. Elle a connaissant, 25 ans. Ah. C'est pas pour me punir. Hein. Mais tu l'as demandé ou pas? Comment? Tu lui as pas demandé? Bah je l'ai demandé, je lui ai dit rendez-le moi, ça se fait pas et tout. Elle m'a dit non, c'est confisqué. Mais qu'est-ce que tu foutais avec un vibro, toi? Oui, c'est vrai que avant même de lui demander si la prof l'utilisait, ouais. Qu'est-ce que tu foutais avec un vibro en classe? C'était un pari. Ah. J'étais obligé, hein. Bah oui, c'était quoi? C'était quel vibro? Est-ce que c'était le gros un... black? Non, c'était un espèce de cercle que tu mets autour de ta bite. Ah oui, un anneau pénien. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, ouais. C'est le truc en fait que tu mets autour de la bite. Et après, quand tu pénètes ta meuf, du coup, ça fait vibrer le clito. Ouais, mais elle le mettait pas autour de sa bite, elle. Non, bah, non. J'espère. Hein, enfin, après, une autre, elle pourrait éventuellement. Hein, si jamais c'était un monsieur à l'époque, on ne sait jamais. Donc, du coup, et c'était il y a longtemps, ça? Ouais, c'était il y a. Je sais pas, il y a 7 ans. Ah oui, ouais, bah, tu le récupéreras pas. On en a des anneaux comme ça ou pas, Tof? Non, ça, on n'a pas. Ah, merde. Contre, on a des œufs. Ah, c'est bien ça, des œufs vibrants? Oui, des avec vibrants. Télécommande et tout là? Avec la télécommande. Oh, c'est la folie ça! Oh. Ah oui! Attends, mets-toi-en dans le cul! Mais non, on va essayer sur Sandro! On va essayer un œuf vibrant sur Sandro et puis on va garder la télécommande et puis de temps en temps comme ça, tu sais, quand elle va rien foutre. Non, pour la remettre au travail! Mais bien sûr, évidemment, ça paraît un bon plan ça, tiens! Non, ouais, je valide pas. Bah oui. Je t'aurais bien proposé une augmentation, mais comme je suis pas un enculé, je sais que je finirai pas. Donc je vais pas le faire. Mais s'il y a une auditrice qui veut venir tester à la radio, elles peuvent envoyer les candidates peuvent envoyer leurs photos à Polo à Tour Radio. Ouais, et on aura personne comme d'habitude. Dès qu'on demande au fil d'envoyer une photo à Polo, je sais pas pourquoi. Même quand elles doivent l'envoyer habillé, hein, ça ne marche pas. Bah, avec toi, ça marchera bien, je pense. Peut-être. Ouais. Elles ne savent pas ce qu'est la qualité. Elles préfèrent envoyer au tas de fumier là. T'en reçois. De quoi? Des photos? Que dalle. Arrête, rien. De ton Facebook et tout. Arrête, rien, je reçois rien. Que de la merde, je reçois. Moi, je reçois des photos de gens en toilette. Ah, sympa ça. Je reçois plein. Ah, c'est original. Ouais. Bon, écoute, c'est bien aussi. Bon, bah écoute, Claude, mais merci d'avoir appelé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Hein. Dis-moi, Michael. Ouais. Ouais, j'ai envie de monter sur Paname là. Ouais. Ben... Et j'ai envie de venir vous voir là, voir la gueule de Tof en vrai. Oh, il vaut mieux pas, tu sais, si t'as. Bon, t'as peut-être pas fait la guerre, certainement, évidemment, vu ton âge, mais c'est dur, hein, psychologiquement. Une fois que tu rentres, une fois que t'as vu ça, après, c'est difficile de te remettre dans le droit chemin et de récupérer une vie normale. Hein. Il faut 3 bonnes heures pour s'habituer. Avec des anneaux. Ah, bah, si tu viens avec des anneaux, alors d'accord, pas de problème. Tu peux venir avec une tarte également, comme ça tu pourras entarter Tof. Ah non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Non, le gâteau c'est fait pour être mangé. Oui, mais si c'est ça se fait. Gosse. Mais il y a un vrai Claude. T'es un vrai Claude. Quelle horreur. Bon Claude, bah pas de problème, tu vois avec Sandro et puis. Ouais, y a moins que je vienne alors. Oui, sans ça, problème. Bah tu vois avec Sandro et puis tu viens quand tu veux, pas de soucis, ouais. Bon, ça va alors. Ça roule. Ça, je pourrais dire Apollo PDA. PDA. Eh oui, il est là, attends, regarde, il est là. PDA. Eh oui, PDA. PDA. Voilà. Tu l'as le mec du Nord là qui dit va te faire enculer gros bâtard. C'est pas un mec si tu le meurs. Ouais. Ouais, c'est pas évident comme ça, mais. Alors attends, oui, je l'ai pas sous la main. Attends, c'est ton préféré celui-là, alors attends. Où est-ce qu'il est? Ouais, ferme ta gueule gros bâtard. Voilà, il y a celui-là. Ouais, c'est celui-là, hein, c'était celui-là. Ouais. Quel bâtard. Non. Va te faire enculer gros bâtard. Ah, celui-là. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Va te faire enculer gros bâtard. Et bah il est là. C'est énorme. Il est là, tout est là, pas de problème. Bon bah écoute, quand tu veux Claude, tu passes nous voir à la case, y'a pas de soucis. Énorme, merci les gars, merci. Salut Claude, ciao. Allez, à toi. Ciao. À bientôt, bye. Il y a Mathieu aussi qui était. Oh putain, Mathieu! Oui. 10 ans! Oh la fraîcheur! Oh c'est hindou ça, hein! Oh là, qu'il est doux! Hein Mathieu, t'es hindou, hein? Mm. Ah ouais, là. Mais là, il est là, tellement il est bien, doux! Bien doux lui. Hein. Qui dort dans de la crème Nivea. Ah, il est plus sûr que doux, reste doux. Bon, hey, Mathieu, bah, sois le bienvenu sur Fun, Matt. Hein. Salut. Salut! Bon, qu'est-ce qu'on t'en prend, il t'a piqué, toi? Ma une meuf. Carte. Il t'a piqué quoi? Une carte. Une carte de quoi? Pokémon. Oh l'enculé, ça se fait pas. Ouais mais c'était la carte. Ouais, c'était quoi comme d'accord, carte? C'était laquelle? Dark Ray. Une carte quoi? Dark Ray. Dark Fly. Ouais, une forte. Ah, une forte, ah, putain, en plus, ça se fait pas, ça se fait pas. Ouais, t'aurais dû lui, on aurait envoyé Tof, il aurait mis une claque et puis il aurait récupéré la carte. Non, Tof se serait pris une claque et il serait reparti. Sans la carte. Mais c'était quand ça? Il y a 3 ans. Ah oui, non, bah depuis évidemment c'est mort, ça ouais, c'est clair. Il y a prescription. Et cette année tu fais pas la collection des panini là, les trucs de foot? Non. Ah bon, t'aimes pas le foot? Si. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bah méfie-toi des profs, hein, comme en Colombie, là, on sait jamais. Hein. Bon, bah merci Mathieu en tout cas d'avoir appelé. Hein. À plus. Eh bah à plus hein, Mathieu, et tu n'oublies pas de prévenir tes potes hein, qui écoutent Fun le soir. Hein. Bah je leur dis. Eh bah très bien, et si jamais ils écoutent pas, tu leur dis que c'est des baltringues, voilà. Problème. J'aurais déjà dit. Eh ben c'est tant mieux, c'est impeccable. Bon bah salut Mathieu, passe une bonne soirée. Hein. Toi aussi. À bientôt, ciao à toi Matt. Il y aura Mickaël et Lucas dans un instant. Si vous voulez bah, nous appeler, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000 et puis on va faire les appels de Toff dans quelques minutes. Ah. Quel est l'endroit où vous aimez faire l'amour à la maison sans compter la chambre? C'était ça ton truc dont tu nous as parlé depuis ouais, hier? Ouais, grave. Oh là là, il nous a fait un teasing, c'est comme si c'était le truc de l'année ouais. Bah, alors que ça parle de cul comme d'habitude. Bah oui, c'est le concept, non? Oui, non, bah bon, non, pas forcément. Ah bon, pardon. C'est pas obligatoire. Ah bon, je croyais. Bon, et bah apparemment pour les Anglais, la pièce numéro 1, c'est la cuisine. Voilà. Oh devant là le là. Salon et la salle de bain, 17% des Anglais kiffent voir leur femme faire à manger, c'est ce qui les excite. Ah oui, c'est ça, c'est voilà. Pouvoir prendre le concombre et hop. Par exemple. Donc venez nous dire. Je fais glisser la carotte, ouais, enfin. Venez nous dire où vous aimez faire l'amour et puis top, bah tu vas appeler quelques appels. Tu vas faire quelques appels malveillants à caractère pornographique. Eh ben évidemment, puisque évidemment. C'est comme ça que la police t'a accusé de. Bah, de ce que t'as accusé de faire, hein, faire oui. Des appels malveillants à caractère pornographique. Très bah, ils bien. Ont pas tout à fait tort. Non, pas tout à fait. Non. Bon bah cela dit, dites-nous hein, où est-ce que vous aimez faire l'amour chez vous à la maison, hormis la chambre. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. 23h30 sur Fun, les appels de Toff à suivre et Pharrell Williams qu'on écoute maintenant, c'est Marilyn Monroe sur Fun. Out to all the lovers. Le son de Pharrell Williams sur Fun, c'était Marilyn Monroe. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, il y aura le chéri, je peux te faire cocu dans 30 minutes. Même pas 30 minutes, dans une vingtaine de minutes. Si vous voulez participer, le principe est simple. Eh bien, si vous avez un copain, on va imaginer que c'est une fille qui joue, hein, c'est plus simple. On appelle votre copain, vous lui faites croire que vous avez rencontré un autre mec, hein, en l'occurrence moi, Michel, beau sous tout rapport, très beau, grand, fort, intelligent, ouais. Poli, enfin bref. Un immense tatouage dans le dos, ah bleu. Oui, ouais. Un beau tatouage dans le dos, hein, c'est, et un tatouage du futur, puisque le tatouage bouge. Ah, eh ah, oui, ah c'est ça qui est énorme. Eh oui, il s'agrandit, il descend, bref, c'est ce qu'on appelle plus communément un bleu, un putain de bleu d'ailleurs. Si vous voulez le voir, il est sur le Facebook depuis hier. Bref, revenons donc au chéri, je peux te faire cocu. Vous l'appelez votre copain, vous lui dites que vous avez rencontré un mec et que ce mec bah, vous plaît physiquement, hein, mais que vous n'avez pas du tout envie de casser avec votre mec. Hein. C'est juste que vous avez envie de coucher avec ce mec juste un soir, comme ça. Comme voilà. Ça, pour le plaisir. Voilà, donc là, on voit la réaction du mec. Plus il s'énerve, plus vous avez de chance ce soir de repartir avec soit votre casque DJ, soit avec l'iPad mini. Voilà, pas plus compliqué que ça. Pour okay. Jouer, eh ben, vous appelez Sandro Leto standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est pas plus compliqué que ça. Les appels de Toff dans quelques secondes. Avant ça, il y a Lisa qui dit la voiture. Ah oui, parce que je vous demandais quel était l'endroit où vous aimez faire l'amour, hormis la chambre. Puisqu'on s'est rendu compte donc que 17% des Anglais eh ben, kiffaient voir leur femme faire à manger, hein, dans la cuisine apparemment, c'est ce qui les excitait. Ils sont cons, ces Anglais. Ouais, il y a la cuisine donc qui kiffe. Voilà, donc si vous voulez, donnez-nous vos avis. Il y a Lisa qui dit la voiture, même si c'est pas une pièce de la maison, mais pendant. Attends, c'est quoi ou la douche, voilà, la salle de bain également. C'est Lisa qui donnait son avis. Je veux bien la meuf qui descend au garage juste pour faire l'amour dans sa voiture. T'sais. Bah au final, si la voiture si elle est dans le garage, ça fait partie ouais, de la pièce de la maison. Ouais, finalement. Les Portugais, ils aiment bien faire ça sur le carrelage. Bah c'est drôle ça. Bah tu sais quoi, c'est Toff qui me l'a soufflé en maille. Trop tard. Ah bon. Une minute au coin pour Polo. Voilà, suspendu d'antenne. Bravo. Ah voilà, je crois que je m'étais trompé de micro. Mais non, c'est bon. Très bien, parfait. Voilà. Ah bah voilà, tiens. Ah bah ça change un peu. Mais ça pue toujours autant, hein. Oui, désolé. Ouais, là, pour le coup, malheureusement, on peut rien faire. Bon, il y a un message aussi qui est. C'est où toi, Toff, toi, l'endroit hormis la chambre? Moi, c'est la salle de bain. C'est salle de bain, oui, ouais, moi, j'aime bien aussi, salle de bain. Là, parce que la cuisine, moi, je trouve ça un peu crado de faire l'amour dans la bouffe. Bah après t'es pas obligé de faire dans la bouffe, tu peux le faire avant de faire à bouffer aussi. Ouais mais c'est quand même pareil, tu poses le cul de la meuf là où tu vas manger quoi. Oui enfin ça se nettoie après hein. Ah oui peut-être mais voilà. Oh là là, c'est l'autre qui est dans le détail, il fait des trucs dégueulasses. Ouais. Et un détail comme ça, ouais, ça mais bloque. Non je baisse pas là où je mange. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Voilà, je baise avec la nourriture, mais pas celle que je mange. N'importe quoi. Enfin. Bon on va prendre Mohamed qui est avec nous de Toulouse là. Salut Mohamed. Salut Mickaël. Comment tu vas? Ouais, tranquille. Bon, bah tant mieux, hein. Bienvenue à toi, Mohamed. Bon, alors toi, c'est quoi l'endroit que tu kiffes le plus pour faire l'amour, hormis la chambre? Ah, tof, Polo peut revenir. Ah, je suis là. C'est la salle de bain vraiment la baignoire, on va dire. Salle de bain dans la baignoire. Ah ouais, la baignoire, c'est trop kiffant. Ouais, ouais, ça dépend, parce que le problème, c'est que ça fait plouf, plouf, plouf, plouf, plouf. Ouais, tu t'en branles. Oui, non, mais d'accord. De quoi? C'est le contact de l'eau qui est... Tu sais, même la douche, ça fait plof, plof, plof, plof, plof. Oui, mais dans la baignoire, c'est encore pire, parce que pour peu que t'aies une petite baignoire et que tu peux pas la remplir à fond, sinon ça déborde, du coup, t'as la fille qui est au-dessus, et du coup, ça fait plof, plof, parce que tu sais, ça fait... Et tu glisses. C'est comme si c'était dans une flaque d'eau, quoi. C'est pas très pratique. On se rencontre sur la baignoire. Oui, après, tu peux le faire comme ça aussi, oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Bon, et donc toi, c'est toi plutôt salle de bain, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord, ok, très bien. Sandro, c'est quoi, toi, l'endroit hormis la chambre? Je me souviens plus. Le placard, un placard. Ouais, la cave. L'endroit où j'aime bien, hormis la chambre. Ouais, salle de bain. Salle de bain. Ouais, mais ça remonte, les enfants. Bon, enfin, pour elle, juste la chambre, déjà, ce serait un kiff. Mais c'est exactement. Ouais, il y a Magda qui dit, moi, je préfère le salon sur le Twitter. Et Laura aussi, moi, je préfère faire l'amour dans la douche. Il y a la salle, attends, c'est quoi? Dans la salle, sur le... Ah, la salle de bain, j'imagine. Hein, faire l'amour sur le bord du lavabo, c'est trop top. C'est Cécilia qui avait envoyé le message et Virginie qui dit l'endroit c'est sur la machine à laver, ça peut être pas mal. Pourquoi pas, ça dépend de la machine à laver, si elle est sur on ou off évidemment. Merci Mohamed d'avoir appelé Fun, tu reviens quand tu veux. Salut, à bientôt Mohamed, ciao à toi. Et puis on va parler avec Mickaël et Lucas des objets que des profs vous ont peut-être déjà piqués. Il y a Joshua également qui voulait donner son avis. Mais avant cela, faisons les premiers appels puisqu'on était sur quels sont les endroits que vous préférez. Donc on va appeler des gens puisque tu vas leur demander maintenant. Hein. Bah où est-ce qu'ils kiffent faire l'amour? Exactement. Dans leur maison. Donc ça fait partie des premiers appels malveillants à caractère pornographique. C'est comme ça que la police a qualifié les appels de Tof, évidemment, puisque je rappelle que quelqu'un a porté plainte. Oui, enfin. Enfin, ça y est. Depuis le temps qu'on l'attendait. Allez, on y va, c'est parti, premier appel. Merci d'ailleurs pour tous les numéros que vous avez envoyés sur le mail de Tof. Il y en a beaucoup, mais vous pouvez encore en envoyer, évidemment. toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, 23h39 sur Fun Radio. Et j'espère que ça va décrocher pour le premier appel. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir dans quelle pièce vous avez, de votre maison vous aimez faire l'amour, monsieur. Elle est pas mal, celle-là. Oui, mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Au même endroit que toi. Pardon, j'ai pas compris, monsieur. Au même endroit que toi. Ah oui, mais c'est où, monsieur? Eh bien, là où tu le fais. Ah oui, mais moi, j'ai pas de chez moi, monsieur, donc... Mais moi non plus. À vous non plus. Bon, mais alors, il n'y a pas une pièce où vous préférez le faire? Oh, basta, oh. Bah oui, mais ça répond pas à ma question, monsieur. Ouais, mais on va te faire voir. Ah bah non, monsieur, non. Ah, si. Ah, si. Attends, on va le rappeler. C'était un Corse. Ouais, un Corse, mais très bonne humeur. Hein. Oh, basta. Ouais, quand même. Bon, allez hop, on le rappelle, le Corse. Il y a Mystique qui disait la salle de bain. Ou encore le plan de travail de la cuisine, pour ma part. Ouais, pourquoi pas, Mystique? Il y en a pour l'autre temps, là. Bah non, mais je suis désolé, on a été coupé, monsieur, mais vous avez pas répondu. Non, on n'a pas été coupé, j'ai raccroché. Ah bah ça se fait pas, monsieur, vous aviez pas répondu à la question. Et ta sœur, elle va bien? Bah je pense, oui. Ah, bah oui, elle va bien. Bah je crois, ouais, enfin, je pense. Ce week-end et tout, là. Bon, bah tant mieux. Bon, on y va, on rappelle, alors. Je pense que là, il peut être à point, là. Ça va durer encore longtemps. Mais... Oui, je m'excuse madame, mais j'ai pas bien compris l'histoire de votre mari avec ma sœur. T'as que ça à faire, connard. Mais pas du tout madame, pourquoi vous dites ça? Ça s'amuse. Mais attendez, je comprends pas. Je vous appelle pour poser une question et votre mari me parle de ma sœur, alors du coup... Non mais attends, connard, il y a 2 minutes, t'appelais pas chez moi, d'accord? Tu t'es trompé de numéro. Tu comprends le français ou il faut que je vienne te l'expliquer? Non mais pas du tout madame, je me suis pas trompé de numéro, c'est bien le numéro de chez vous que j'ai appelé. Qui t'a appelé, connard? Ben, je suis tombé sur votre mari. J'ai pas de mari, de toute manière, gros con. Ben, il y a bien un monsieur qui décroche chez vous, madame. Il y a un monsieur qui décroche chez moi, question c'est? Ben, parce que je l'ai eu au téléphone juste avant, donc je le sais. Et en plus, je viens de l'entendre parler. Quel numéro tu fais? Ben, je fais votre numéro, madame. C'est lequel, mon numéro? Ben, c'est le numéro que je viens de faire, puisque vous avez décroché. C'est le numéro que je viens de faire. Tu vois pas que c'est un gros con, allez. Ah non, madame, je peux pas vous laisser dire ça. Elle est très lucide, hein, pourtant. Non. J'adore. Ah si, elle est très lucide. On va la rappeler d'ailleurs, elle est tellement lucide. Elle a directement grillé qu'elle parlait à un gros con. Ouais. Et je trouve que c'est très très beau, cette lucidité. Allez. Ouais. Oui, madame, c'est pas gentil. Ouais, tu veux savoir où mon mari préfère faire l'amour? Tu veux oui. que je vienne te mettre mon prénom dans la gueule, gros con? Alors maintenant, écoute-moi bien, je préviens les flics. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Non, je vous rappelais parce que je voulais savoir, en fait, le truc avec ma soeur, j'ai pas compris. Dis-moi. Oui. C'est quoi cette plaisanterie, non? Mais c'est pas une plaisanterie, monsieur, je voulais juste savoir dans quelle pièce vous aimez faire l'amour. C'est bien, et on en arrête là. Hein? Et bonsoir, monsieur. Ah bah oui, mais... Allô? Ouais, bon, il va prévenir la police, hein. Ouais. On aurait peut-être dû lui dire appel malveillant à caractère pornographique pour porter plainte, parce que c'est facile ouais. si tout le monde porte plainte avec le même... Et oui, que ce connard de Toff puisse aller en prison. Voilà, quoi. Une bonne fois, exactement. Oh, un an, je l'ai enseigné, c'est un an. Un an de prison, un an de prison, oui. Et à partir de deux appels, c'est mort déjà. C'est... Ah bah alors là, t'es putain dans la merde. Hein. Ah ouais, là, je bon, suis... Bon, bah, on fera d'autres appels tout à l'heure, hein, donc n'hésitez pas à donner vos numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Mickaël est avec nous également de Toulouse, là. Salut Mika. Salut les gars, salut la famille. Ça va bien? Ça va bien, bien, bien, tranquille. Bon, putain, il y en a un qui était bon là. Il y a Rock'n'Wolf sur le Twitter qui dit mon père piquait les lasers et les Game Boy de ses élèves et ensuite il me les donnait. Putain, oh, ça c'est classe. Eh ben moi, tu veux que je te dise un truc? J'étais au CFA. Dis-moi. Ça remonte il y a une dizaine d'années à peu près. Ouais. À Montauban, j'étais. Ma prof de français, c'était une femme, elle roulait en moto. Et en cours de sport, j'étais en train de serrer une petite gentille. Normal. Et j'ai mis un préservatif dans le bas du dos au niveau du string pour lui annoncer la couleur, tu vois. Ouais. Et la prof nous a grillé, m'a pris à part dans son bureau et m'a saisi ma boîte de préservatifs. Comment? Oh, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Elle m'a dit t'en auras pas besoin, j'en aurai plus l'utilité que toi. Ah, là, elle a peut-être pas tort, note, hein. Ah, faut arrêter quoi, j'avais 18 balles. Arrête, bah oui, mais bon, ouais, peut-être qu'elle avait pas tort non plus, tu peux pas savoir. Ouais, peut-être qu'elle voulait te faire passer un message. Ouais, c'est possible aussi ça. Ouais, mais non, je l'aurais jamais niqué, elle était pas belle. Ah ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est un chien. Eh, il y a un moment, tu fais comme Toff, hein, tu commences pas à regarder dans le détail. Hein. Ouais, mais bon, Toff, c'est un chien, c'est un animal. Mais oui, mais bon, attends, j'ai du tact un peu. Et attends, surtout au bahut, j'avais absolument pas le choix. Ah bah oui, non, bah ça c'est sûr. Il hein. y avait une meuf qui voulait bien de moi. Bon, elle était archi morche avec des boutons et des lunettes, mais j'ai pas eu le choix quoi. Bah ouais, parce que bon, là maintenant il fait de la radio donc ça va, ça sauve. Ouais, maintenant il a plus la classe maintenant avec les gonzesses, c'est plus simple de faire. Bah ouais, bien non, sûr, il a la classe. Non, c'est Fun Radio qui a la classe parce que si tu dis Toff tout seul ça marche pas, mais tu dis Toff de Fun ça passe mieux. Ouais. Tu vas dans les soirées, dans le carré VIP Fun et tout, et là les meufs elles arrivent, tu vois. Ah oui, voilà, c'est ça, elles sont pas dans le détail. Eh bien évidemment, bah attends, reste là deux secondes, Mika de Toulouse là. Il y a Joshua également là de Fontainebleau. Salut Joshua. Tu es où? Yo Mika. Joshua, tu es où? Je suis là. Oh putain, c'est dur ça aussi. Oh là. Hop là. Bon alors Joshua, donc toi tu voulais donner ton avis aussi, là, c'est quoi ton prof, il t'a piqué quoi déjà? Bah en fait genre j'avais acheté 10€ de bonbons. Ouais. Et j'ai chez le prof, il les avait pris. Ouais. Et donc le midi, les profs ils vont en salle des profs, ils parlent et tout. Et donc au cours de 13h, je vois une autre prof qui se ramène et qui bouffait mes bonbons. C'est dégueulasse. Et le lendemain, j'ai repris des bonbons, mais cette fois, genre, je les avais mis par terre et tout. Genre, je les avais dégueulassés. C'est chier le prof. Il me les a confisqués, et vu que je le faisais encore chier, pour me foutre le seum, il a bouffé les bonbons, genre, c'est bon, alors qu'ils étaient par terre. Ils... Ah, ça c'est bon. C'est bien bon, ça, Joshua. Ouais, c'est marrant, ça. Bon, ça va, tant que le prof le sait pas, parce qu'après, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais il a pas les bouffés, attends. Non, ouais, non, mais d'accord, c'est vrai, en plus. Il y a Lucas également de Toulon. Salut, Lucas. Ouais, allô, salut toute l'équipe. Ça va bien? Bah ouais, nickel. Bon, alors toi, c'est quoi l'histoire, là? Ton prof, il t'a piqué quoi? Bah moi, c'est mon prof, il me piquait les bonbons pendant un an. Ah, toi aussi? Pendant un an, tous les jours, à chaque fois que j'amenais les bonbons. Ouais, mais t'as été assez con d'en ramener tous les jours pendant un an aussi. Mais oui. Ouais, mais à chaque fois, le prof, il les prenait, enfin quasiment à chaque fois, et sans que les distribuait à toutes les autres classes. Ah oui, ça c'est pas bien, ça. Ouais. Ça c'est... Ouais. Moi j'avais, un prof en primaire, tu sais, genre quand on allait à la piscine, il y avait une espèce de petits magasins où on vendait des bonbons, donc on achetait tous plein et on les bouffait, tu vois, genre sous le banc quoi. Mmh. Et donc un jour il nous a tout confisqué et à la fin de l'année il nous a rendu. Des trucs c'était dégueulasse, ils avaient fondu et tout. Ah bah, donc il a rendu. Ouais, il a rendu, mais pour faire ça il pouvait les bouffer. Hein. Ouais, mais il a rendu, et c'est le principal. Bah dites-nous d'ailleurs si vous vous êtes déjà fait voler des trucs par les profs confisqués qui vous ont jamais rendu ou qui vous ont fait de l'enfume, hein, comme avec Toff. Vous nous appelez, bah merci Joshua. Je suis à Mickaël et Lucas en tout cas d'avoir appelé Fun, vous revenez quand vous voulez hein. Ouais bah de rien. Ouais bah ça va la famille, nickel. Ça marche. Et juste pour info, moi j'aime bien faire l'amour à ma femme dans les escaliers en montant au lit. Ah dans les escaliers, sympa aussi ça, pourquoi pas. Mais ça c'est pas mal parce que Tu sais, la meuf, elle peut se mettre à quatre pattes sur les marches. Ouais. Et t'as du coup, 36 000 positions, man. Ah, t'as 36 000. Ouais. C'est moi, pas mal. Moi, je m'en fous quand elle me le fait, ça. Tu m'étonnes. Bah, profites-en bien, Mickaël. Ouais. Hein. Tu penseras à nous la prochaine fois. Hein. Ça roule. Non, salut jamais, à toi, Mika. Sinon, je vais débander. Ciao, les gars. C'est trop tard maintenant. Mais non, t'auras plus le choix. Tu vas d'office penser à nous, là. Bon, allez, restez sur Fun Radio. Je vous cale le son de Pitbull dans quelques minutes. Ce sera We Are One sur Fun. Et puis, il y aura le chéri, je peux te faire cocu. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez. Merde, j'ai fait de la merde. Alors attends, on va le refaire. Hein. Hop, hop, hop. Il y aura Pitbull. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h. Double Fun. Gagnez votre iPad Air ou votre Samsung Galaxy S5 en écoutant Fun Radio. Non-stop. Fun. Dès que vous entendez le double fun. Double Fun. Avec les tubes de Rebelle. Et Major Lazer, à la suite. Appelez Fun Radio. 3228. Oui, allô ? Magali, c'est gagné ! Vous gagnez votre iPad Air ou votre Samsung Galaxy S5. Merci Fun Radio, vous êtes les meilleurs. C'est le double fun sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. 34 centimes par minute. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, 23h52. Le chéri, je peux te faire cocu dans quelques secondes. Il y a Jong qui dit je viens de voir la tête de Tof, j'ai cru que j'allais mourir. Oui, c'est ce que ça fait la première fois en règle générale. Ouais. Valou aussi, à part la chambre, j'aime bien faire l'amour sous la douche ou dans le salon. Brandon aussi, moi je kiffe dans l'escalier quand elle se tient à la rambarde et qu'elle gueule vas-y, vas-y, saute une marche. Tristan également qui dit à essayer une fois sur les chiottes. Ah, c'est très glamour ça sur les chiottes. Hein. Ouais, c'est romantique. Top. Trop romantique. Et Kali aussi, coucou tout le monde, bisous à ma Sophie, Eric, tout le monde et toute l'équipe. Et je suis encore à la bourre, vous dites rien. Non, non, bah tu m'auras juste un petit coup de plaise dans la gueule. Rien de grave. Voilà, normal. Bah oui, Romain également qui lui est des pareils, c'est dans la salle de bain. Et Justine qui dit quand j'étais en CP, j'avais des dents de vampire d'Halloween. Je les ai emmenées presque tous les jours et j'avais un prof, elle n'aimait pas du tout. Elle me les a pris et je les ai jamais revus. C'est une histoire traumatisante quand même. Ah oui, là, oui, oui, oh là, trop traumatisante, je comprends, ouais. Justine. Hein. Vous êtes géniaux, je vous écoute presque tous les soirs. Bisous fun. Merci Justine en tout cas d'être là. Gros bisous à toi. Continue avec tous vos messages là qui arrivent en masse. Avec le hashtag et Mickaël, bien entendu. Et puis avant de se faire le chéri, je peux te faire cocu. On va récupérer David pour la colle. David, t'es toujours là ? Ouais. Très bien. Allez, vas-y, refais péter la colle pour gagner l'iPad mini. Donc, vas-y, on t'écoute. Alors, je suis invisible comme rien, mais tu peux m'entendre, tu peux me prononcer, mais si tu me répètes, je disparaîtrai. Voilà, donc je vais répéter encore un coup la colle de David. Donc je suis invisible comme un rien, mais tu peux m'entendre, tu peux me prononcer, mais si tu me répètes, je disparais. Qui suis-je? Bon, voilà, il y a Yacine qui proposait le son sur le Facebook. Non. Non, il y a Jérémy qui trop facile l'énigme, c'est le silence. Non. Non, bah tu vois, c'était pas si facile que ça, Jérémy. Kevin aussi, la réponse à la colle, c'est une chatte, un vagin entre vous. Merci d'avoir précisé, Kevin. Non. Bon, c'est pas ça non plus. Bon, si vous avez la bonne réponse, rencard sur le Facebook, tapez Mickaël officiel. J'ai mis un post avec l'iPad mini, comme ça vous pouvez pas le rater. Et si vous avez la bonne réponse, vous lâchez la réponse en commentaire et puis on vous appelle d'ici à 00h30 pour vous offrir votre iPad mini. Vous pouvez aussi jouer par SMS, bien sûr, si vous n'avez pas internet. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique avant 00h30. On tire au sort l'un de vous. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez. Et notre ami David Père, et si vous ne décrochez pas quand on vous appelle ou que vous n'avez pas la bonne réponse, c'est David qui gagnera. A tout à l'heure, David. À tout. Allez, bouge pas de là. Hey, David, garde la patate surtout. Hein. Oh, okay. Bon, très bien. Non, non, mais c'est pour être sûr. Hein. Je vois pas que tu la perdes, on sait jamais. Il y aura Aurore dans quelques minutes qui voulait réagir par rapport à l'amour. Mais avant cela, Aurore, t'as 5 minutes là qu'on fasse le chéri. Je peux te faire cocu, Aurore. Tu peux rester un petit peu avec nous? Oui, bien évidemment. Oh, bah tant mieux alors. C'est parfait, Aurore. Bon, tu bouges pas de là, Aurore. Très bien. T'as un mec actuellement ou pas, Aurore? Ah oui, je suis future mariée. Oh, ce sera l'occasion de faire un petit chéri, je peux te faire cocu à l'occasion, non?

Ah, parce que je t'aurais eu en face de moi, j'aurais été moins calme. Je t'aurais mis une patate. T'aurais pu essayer. Ah, j'aurais lâché Toff pour voir comment tu te défends. Oui, c'est ça, c'est toujours moi d'abord. Pas de problème. Bon, Ludo, du coup, on va filer le cadeau à Marion, alors, évidemment, normal. Hein. Non, parce qu'elle a un cadeau pour avoir fait une connerie comme ça. Bah oui, évidemment. Bah, c'est le but. Évidemment. On va te filer l'iPad mini, du coup, Marion, d'accord? Ouais, trop bien. Ouais, je t'en prie. Pas à peine, ce sera pour moi l'iPad. Même pas en rêve. Tu ne touches pas d'ailleurs, il sera configuré uniquement pour qu'il fonctionne avec les doigts de Marion. Ouais. D'accord. Trop bien. Complètement. Bon, gros bisous tous les deux en tout cas. Ouais. Vous revenez quand vous voulez. Gros bisous. Bon allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. À Lévis, à Marine. Voilà. Ah, t'as vu, espèce d'enfoiré, va. Ouais, ça, c'est quand on vient du Nord, ça. Ouais. Quand on vient d'Arras, quand on vient de Bapaume, on se la ramène. Bapaume, c'est ridicule. Bon, allez, salut tous les deux. Une tarte avec du Bapaume ou pas? Bien sûr, une double tarte aux pommes, pas de problème. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Bon, et si vous voulez faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu. Il est fier de sa vanne avec Bapaume. Ah oui, il est content. Il est content. Bon, donc, si vous voulez vous aussi faire un petit chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas. Hein. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, t'as entendu du coup, Aurore? Yes. Ah. Yes. Donc ce serait bien qu'on fasse ça avec ton mec, non, avant le mariage. Si on peut faire ça juste la veille, ce serait top. Ah ouais? Il y a une grande famille qui pourrait t'éclater, ouais. Ah bah grave, putain, moi j'ai hâte, ce serait cool. Ah ouais. Bon, Aurore, tu restes avec nous, on va parler avec toi donc des endroits dans quelques minutes, des endroits où tu préfères faire l'amour. On aura Guillaume également dans quelques instants, on aura la colle avec David, on aura Pierre et puis on va se faire le son de Pitbull et Gillo. Maintenant c'est We Are One sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h. Sur Fun Radio. Le son de Pitbull à l'instant et Gillo, c'était We Are One. Dans une autre dimension, Mikael est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mikael, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, il y a Jong qui dit je t'ai découvert il n'y a pas une semaine et je suis déjà accro à toi. Bah c'est gentil Jong. Il y a Fred S34, excellent le chéri, je peux te faire cocu de tout à l'heure. Enfin de tout à l'heure, en même temps il y a 5 minutes. Rock'n Wolf qui dit excellent le chéri, je peux te faire cocu, tu devrais passer des musiques comme ça plus souvent. Ouais, mais sur Fun, si tu veux, c'est Jérôme, Claude François, etc. Moyen quand même. Hein. Bah, il y a Lydie aussi qui avait envoyé son message là. Mort de rire à toutes les filles que j'ai baisées avec avant un beau remix de Mickaël. Bah de rien, Lydie, avec plaisir. Et puis, oh my god, vous m'avez tué de rire. Laura aussi, je suis plié avec le chéri, je peux te faire cocu. John, encore une fois, qui dit RU. Bah, je suis pas mongol, t'es comme ta gueule. Oui, écoute, moi j'essayais de lui épeler, hein. Pas plus compliqué que ça. Hein. Et bah, maintenant, ta gueule et dans ton cul, tu vas aimer. Non, pas des masses, Jojo, lui, 7-8. Et vous me tuez avec le karaoké. Rugoreo qui dit excuse, désolé, je l'avais pas vu. Mais bien sûr, j'en peux plus, vous m'avez tué. Bref, tous les messages carrés avec le hashtag Mikael, n'hésitez pas, bien entendu, à continuer à balancer tous ces messages en direct sur Fun Radio, sur le Twitter avec le hashtag MIKL. Voilà, allez, on va récupérer Aurore maintenant, il y aura Guillaume juste après. Aurore d'Agen, toujours là Aurore. Aurore ? Oui. Ah, très bien, et on aura aussi les teubés de la télé là, qui vont arriver avec un peu de retard. Bon, c'est quoi l'endroit, puisque c'est le thème des appels de Toff ce soir, c'est quoi l'endroit où tu kiffes le plus faire l'amour, hormis la chambre ? Le désert, peut-être. Le désert. Ouais, ce qui est une belle pièce immense avec plein de sable. Ouais, j'adore. Ouais, je crois que c'est ma pièce préférée, moi aussi. Ouais. C'est un putain d'endroit dans la maison, alors, quand même, le désert. On va aller chez moi, alors. Oui, c'était la question. C'est l'Ardèche. Ah, tu aimes bien faire l'amour dans l'Ardèche. C'est vrai que c'est une belle pièce de la maison aussi. C'est l'Ardèche. Mais c'est où l'Ardèche dans la maison? À côté du désert. Voilà, à côté du désert. Ouais. Non mais dans la maison, on parlait dans une pièce de la maison. Ah, la salle de bain. La salle de bain aussi. L'évier. Ouais. Et dans l'évier, ouais, c'est mieux. Sur le lit debout, enfin toutes les positions du Kama Sutra. Ouais, évidemment. Dans toutes les pièces, quoi. D'accord. Oui, voilà. Par contre, il y a quand même un truc qui me perturbe, c'est le désert. À quel moment t'as été faire ça dans le désert? Oh, dans mes rêves. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que la journée il fait très très chaud et la nuit il fait très très froid et il y a le sable qui rentre dans le cul. Oui, c'est pas pratique. C'est l'inconvénient. Et le sel aussi, c'est horrible. Bah oui, en plus il y a le sel. Ouais, mais enfin dans le désert, il n'y a pas trop du sel, hein, mais. Ouais, mais bon, je fais partie de la nature, moi, toi, tu. Voilà, donc toi, tu fais l'amour aux arbres. Ça m'est arrivé une fois. Ah, déjà, alors, non, c'est cool ou pas? Ben, écoute, de se chauffer contre un arbre, c'est pas mal. T'es sérieuse? Ouais, non, je suis très sérieuse, ouais. Mais t'as pas irrité la chatte? Ah, ça dépend quel arbre. J'étais habillée, puis j'étais en mode folklore, quoi. Ah ouais, mais t'es quoi? C'était un pommier, un oranger? Non, c'était un arbre dans le noir, je l'ai pris au hasard. Ah d'accord, t'es chauffé sur le il a eu de la chance l'arbre. Je l'ai pris au hasard, c'est genre. Et elle l'a souillé le pauvre. Bah ouais, il a eu du bol finalement l'arbre. Mais c'est un striptease si tu veux. En ah gros, ouais. Frotté comme un ours qui se frotte à un arbre. Mais t'as cru que c'était un mec ou comment ça se passe? Ouais, un peu ça, ouais. Ah oui, d'accord, donc. Ah, t'étais vraiment chien en là. Trompe, quoi. Ouais, en bah trompe, on a bien vu, hein. On s'en est bien rendu compte apparemment. Bah écoute, merci Aurore d'avoir appelé, hein. Bah y'a pas de soucis. Et puis tu reviens quand tu veux. Ah ben, y a pas de problème, je serai là. Bon, ça roule. Salut Aurore, gros bisous. Salut. À bientôt. Bisous. Ciao. Et te perds pas dans le désert en rentrant dans ta chambre. Oui, c'est mieux. Vous avez entendu quand tu t'appelles quand tu veux. Ouais, je serai là. Oui, je serai là. Mais elle sera là quand elle veut. Elle sera là quand elle veut. Bon, restez bien là, il y a Pitbull, on vient de le mettre, il y a Katy Perry qui va arriver dans un instant avec Birthday. Et puis je vous calerai aussi le son de Deoro avec 5 Hours. Et si vous avez envie d'écouter les sons particuliers, hashtag Mickaël, vous demandez, n'hésitez pas, il est minuit 20 sur Fun Radio, on est au cœur de la nuit, sans pub. Et on a Guillaume avec nous maintenant. Salut Guillaume. Allô. Oh la mollesse. Ça va Guillaume, t'es en forme ou quoi là? Oui, ça va. T'es en forme? Oui. T'es sûr? Oui, j'étais vraiment dormir. Tu étais en train de t'endormir, d'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'amène, Guillaume? Bah rien, moi je vais vous raconter mon histoire sur un petit bateau au large de Monaco. Attends, comment ça, ton petit bateau au large de Monaco, c'est-à-dire? Moi, j'étais sur un bateau au large de Monaco, puis j'ai trouvé une petite nana, tu vois, puis ça s'est bien passé, quoi. Attends, on comprend pas bien parce que t'as le téléphone, à mon avis, qui est trop près de ta bouche, ou si t'es en train de t'endormir, à mon avis, t'es peut-être avec la couette et tout le bordel, et du coup, on comprend pas tout ce que tu dis. Non, je disais j'étais sur un bateau au large de Monaco, puis j'ai trouvé une nana, puis ouais, la soirée c'est bien fini, ouais. Mais c'est-à-dire, quel bateau? Attends, c'est toi, c'est ton bateau? Ah, c'est pas le mien, mais c'est le bateau de la famille. D'accord, ok, bon, enfin oui, donc c'est ton bateau, mais peu importe, à la limite, c'est pas grave. Mais c'est juste pour savoir si genre c'était un bateau, tu sais, genre pour faire une excursion, quoi, tu vois, c'est des bateaux... Ouais, c'est un Zodiac ou un yacht? Ouais, c'est un yacht, un Zodiac, c'est un quoi? C'est plus un yacht qu'un Zodiac. D'accord, ok, très bien. Monsieur a de l'argent. N'oublie pas qu'on est potes, Guillaume. Hein. give me bien five, sûr, bien my sûr, friend. Ouais, bien sûr. Bon, et donc du coup, t'as chopé une meuf, t'as rencontré une meuf et tu l'as pêché sur le bateau. Ouais, j'ai chopé une meuf, mais tu vois, on faisait une soirée, en fait. Et ça s'est super bien passé. La nana, je la connaissais pas du tout. Et bon, la soirée était finie. Et là, tu la connaissais un peu. Ouais, c'est mieux. Je la connaissais un petit peu mieux, tu vois. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est une nana qui a eu de la presse, mais grave plus que moi, tu vois. Ah ouais, carrément, putain, t'as du bol. Ah ouais, j'ai pas dit parce que elle est repartie avec un mec et tout, enfin, tu vois. Et ah, je vois pas, mais j'aurais bien voulu, hein. Ouais, tu sais, son bateau, c'est 4 fois le mien, quoi. Ah oui, carrément. Et déjà, si toi, t'es déjà quasiment sur un yacht, 4 fois le tien, en plus, pas mal. Et quoi, tu l'as pêché sur ton bateau ou sur le sien? Ah, sur le mien. Ah, sur le tien, bon, ça va, elle t'a pas traité de clochard. Non, parce qu'on... Ouais, il y avait de l'ambiance sur mon bateau. Ah oui, tu faisais la fête, ouais, c'est vrai. Putain, et appelle-nous quand tu fais des fêtes, hein. Nous on débarque. Hein. Ah ouais, grave. Eh oui, mais je peux pas le dire. Ah bah oui, mais bon, c'est pas grave, en privé, tu vois, tu nous appelles, nous on vient en mode touriste, pépère, touriste, ouais. On ramène le matos. Et en plus, toi, il ressemble un peu à Gopher dans la Croisière s'amuse, il pourra faire le service. C'est ça, je ferai le service, je passerai avec les cours. Voilà. Même pas, mais c'est quand vous voulez venir faire la radio chez moi. Mais bah voilà, et nous on fait ça avec plaisir. Mais t'as pas internet sur le yacht. Mais on s'en fout, si on se met pas loin des côtes, on l'a en 3G ou en 4G, bah, à Monaco, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. En plus, il y a Fun Monaco depuis pas longtemps, donc voilà, on va s'installer. Bah oui, bien sûr, on va s'installer bien. On sera top, mais cool, bah, bah évidemment, ça va être cool. Bon, top. Et bah écoute, bah merci Guillaume en tout cas d'avoir appelé, hein, et puis bah, tu fais quand tu veux. Hein. Ça marche, il n'y a aucun problème. Ça roule. Salut Guillaume, ciao à toi, à bientôt. Salut, ciao, à bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao. Gagnant de la colle dans un instant avec David, on va prendre Olivier avec nous maintenant. Olivier de Brest, salut à toi. Salut, ça va la famille? Ça va bien et toi? Impeccable, ça roule. Bon, très bien. Alors toi aussi tu voulais réagir par rapport aux endroits où tu kiffes faire l'amour, hormis évidemment la chambre, qui est la version un peu basique. Ouais, moi c'est autre chose, parce que là je viens de commencer dans un bar il n'y a pas longtemps, du côté de Port-Sal, c'est la côte bretonne. D'accord. Et il y a une serveuse avec moi, et quand on a nos pauses, bon, on a des heures où il n'y a pratiquement personne, on va dans la remise où il y a tous les fruits de bière, tout ça, puis voilà, on le fait là, quoi. Bah écoute, c'est pas mal. Bah, c'est pas l'endroit, c'est pas l'endroit de la maison, c'est pas très sexy quand même malgré tout, hein. Mais, non, mais pourquoi pas. Mais tu fais ça avec qui? Avec les gens qui bossent avec toi ou ta meuf? Avec une serveuse. Ah, avec une serveuse, mais qui n'est pas ta meuf. Bah non, enfin on est ensemble comme ça, quoi. Ouais, c'est... vite fait, quoi, le temps de lui mettre un coup et puis vous êtes plus ensemble. Ouais, voilà. Bon, bah, elle a pas de mec, j'ai pas de gonzesse, et puis voilà, on s'amuse. D'accord, ok, bon, vous avez raison, très bien. Et donc vous faites ça à chaque fois comme ça tous les soirs? Bah, on bosse 3 jours par semaine ensemble, on le fait à chaque fois. Ah oui, bah voilà, très bien. Bah écoute, c'est une bonne moyenne. Hein. Et ça nous donne la pêche après pour aller au boulot. Sans déconner. Ah, parce que vous faites ça avant? Bah oui, ouais, c'est bien. Bah, quand il n'y a personne dans le bar, quoi. Des fois, il y a des. Quand on ressort, on voit, il y a 2 clients qui attendent comme des cons, puis voilà. Et toi, t'es en train de lui mettre une cartouche, c'est bon ça? C'est comme ça. Pendant qu'il y a Polo qui attend son café au bar, là, donc toi, tu. Derrière dans la réserve. Hop là, une petite cartouche. Ah bah écoute, t'as bien raison. Comme j'ai rien été. Eh ben t'as bien raison Olivier, ben merci d'avoir appelé, n'hésite pas la prochaine fois tu nous dis où c'est, on passera aussi hein. D'accord, y a pas besoin de faire du bien. Bah t'as d'accord, bien raison. Exactement. Ça s'appelle la cambuse. Tout à fait, tant que tu sors couvert, y a aucun problème. Impeccable. Salut. Bon, allez, merci d'avoir appelé, à bientôt Olivier, ciao. Salut, et bonne soirée. Merci, ciao, toi aussi, à bientôt. Bon, allez, on va se faire les teubés de la télé là, maintenant. Bah oui, on est déjà un peu à la bourre, mais c'est parce que le chéri, je peux te faire cocu, elle dure un peu plus longtemps que prévu. Bon, on va accueillir, enfin on va accueillir, on va plutôt parler de Bernadette Chirac qui nous explique qu'à la maison, on ne se tutoie pas. Même Jacques d'ailleurs n'a pas le droit, hein, apparemment, hein, c'est dramatique dans la famille. Jamais vous ne vous êtes tutoyé avec le Chirac. Ah, je le lui interdis. Quand il veut me mettre de mauvaise humeur, il me tutoie, tous ses amis se mettent à rire parce qu'ils savent très bien c'est la chose qui m'agace. Non, écoutez, il faut rester fidèle à ses traditions. Ah oui, quelle tradition. T'imagines, t'appelles ta femme, vous. Ouais, c'est ouf. Vous voulez qu'on sorte le véhicule, Bernadette? Vous voulez manger? Vous voulez manger? C'est un truc de dingue quand même. Putain, c'est dingue. Et Chirac, où il est fort, c'est qu'en fait, il la tutoie pour la faire chier. J'aime bien le petit délire. Bon, et puis, j'ai une très, mais alors très très bonne technique de drague, trouvée dans Tellement Vrai. Excusez-moi, vous connaissez la rue du Marteau? Non. Je cherche la rue depuis un mois et je ne trouve pas. Je me renseigne et j'essaie. En plus, vous êtes super charmante. Merci. Vous avez les yeux, on dirait deux îles. Et, allez. Bon, pressé. Ok, je peux pas. Tu lui as dit. Les yeux, on dirait deux îles. Tu peux pas faire ça. Pourquoi t'as dit ça? Tu peux pas faire ça. T'as fait un complément sur les yeux? Alors, sérieusement? Ouais, je cherche la rue du Marteau et les yeux, on dirait deux îles. Mais il est quand même pas mal. Hein. Bon, et toujours dans Tellement Vrai, il y a une belle expression. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je sentais en moi, à l'intérieur, la transpiration. Mais franchement, je transpirais des yeux. Tellement que je la regardais. Transpirer des yeux, c'est rare. Hein. Bah oui, non, c'est pas rare. En fait, tu pleures. Hein. Ouais, en règle générale, c'est ça. Donc c'est ça, transpirer des yeux. Bon, et puis il n'y a pas que dans Tellement Vrai qu'ils ont du mal avec le français. Il y a les Marseillais à Rio également qui, bon, pas toujours facile. Hein. Bah moi, je suis pas cinéalophile, alors j'en ai rien à faire. Cinéalophile. Cinéalophile, là, je sais pas comment on dit. Cinéphile. Ah, signagnophile pour cinéphile. Très bien. Ah, les Marseillais à Rio. C'est bien. Ah, ils sont bons, ils sont bons. Je me demande s'ils sont plus cons que les ch'tis ou l'inverse. Non, ça doit se valoir, je pense. Ça doit se valoir. Bon, restez sur Fun Radio. Il y a la réponse à la colle dans quelques minutes pour gagner l'iPad mini, comme chaque soir cette semaine. On va se faire les appels de Toff aussi dans quelques minutes. Et je vous l'avais promis. Ah, bah, Katy Perry maintenant au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Et le titre, c'est Birthday sur Fun Radio. Nothing's going right. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Minuit et demi sur Fun Radio, toujours en direct avec Gueltas qui dit: moi Mickaël, je pars en Espagne, comment faire pour t'écouter? Ah bah alors soit tu peux écouter Fun Radio Espagne, El Sonido del Flor. Bon évidemment le problème c'est que si tu parles pas espagnol, tu vas pas comprendre grand chose. Mais après tu peux toujours nous écouter sur le site internet. C'est vrai. Voilà, dans l'absolu, ça fonctionne. Il y a aussi Mickaël No Limit. Mickaël No Limit. Ah non, je crois pas. Non, non, je crois pas qu'il y ait des missions comme ça. Il y a Antoine qui dit: je pourrais avoir mon message de bienvenue. Bah, bien sûr. On va venir te défoncer le cul, espèce de PD. Voilà. tout simplement. Il y a quoi, Alexis aussi qui dit mon prof de maths. Ah oui, c'était par rapport aux confiscations, voir s'il y a des profs qui vous avaient déjà confisqué des trucs sans vous les rendre. Il y a Alexis qui dit mon prof de maths m'a confisqué ma manette PlayStation et quand je lui ai demandé de me la rendre, il m'a dit qu'il l'avait prêtée à un copain. What the fuck, je l'ai jamais revu. La question c'est que faisais-tu avec une manette PlayStation si la console n'était pas avec? Ouais, très bizarre. Ah, parce que tu peux rien foutre avec une manette PlayStation sans la console. Si, tu peux aller jouer chez tes potes. Oui, ça, d'accord, mais quand t'es au bahut. Ah mais il l'avait peut-être mis transport, il l'a transporté, puis il l'a posé et le prof l'a pris. Peut-être. Il y a Morgane qui dit elle m'a piqué mon laser mais pendant l'intercours je l'ai repris de son sac. Bravo Morgane. Nicolas qui dit une paire d'écouteurs CPD qui ont piqué. Il y a Christine qui dit moi un prof de français m'a pris mon Rubik's Cube. Et oh, bon, ça va en même temps, Rubik's Cube c'est bien, c'est pour le mental. Ouais, c'est vrai, il pourra le laisser. Ah oui, tu pourras le laisser, ouais. Et Liam qui dit moi ma prof m'a volé mon envie d'étudier, elle me l'a jamais rendu. Oh, c'est méchant, c'est chiant ça. Et Megumi qui dit bonsoir, un petit coucou pour vous faire savoir, je suis toujours en vie, mais je peux pas trop tweet en ce moment. Ah bah, très bien, Megumi. Bon, au moins, comme ça, on le sait. Et puis Adil qui dit ouais, mon prof, il a volé mon iPhone. Ah oui, ça, ah oui, mon ami. Bah oui, là, il s'est fait plaisir, à mon avis. Hein. Il s'est dit tiens, hop, on va confisquer ça, c'est pas mal. Et depuis, il a un iPhone, t'as vu, bizarrement. Exactement, depuis, le prof a un iPhone. Sauf qu'avec la dernière version, on peut plus faire ça. Parce qu'il faut le code, machin, tu sais, d'iTunes pour pouvoir le remettre à zéro. Donc même si c'est confisqué, au moins, on sait que le prof ne pourra rien en faire. Ah, ou si on pouvait faire en même temps, c'est envoyer des petits messages au prof. Parce qu'on peut faire ça aussi quand on a son. Je sais que ça marche avec l'iPhone, je crois que ça fonctionne avec le Galaxy aussi, mais c'est genre si on te le vole, tu peux l'effacer à distance, tu peux envoyer un message également à la personne qui a le téléphone en disant bon, est-ce que tu peux me rendre mon téléphone s'il te plaît? Enfin, tu sais, tu peux le rendre fou quoi s'il a son téléphone allumé. Et ce qui est drôle, c'est que tu peux prendre une photo aussi. Et tu peux prendre une photo également de voir la gueule du mec, ouais. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal également. Bon, allez, on appelle maintenant avant de faire le tirage au sort pour savoir lequel de vous repartira avec l'iPad mini ce soir, soit David, soit l'un d'entre vous, peut-être qui aura trouvé la bonne réponse, ça colle. Avant cela, eh ben c'est parti, on y va. Donc quel est l'endroit où vous préférez faire l'amour puisque 17% des Anglais kiffent la cuisine. Apparemment. Oui. Ouais. Donc du coup, bah, on appelle des gens depuis tout à l'heure hein, voilà, pour voir ce qu'ils en pensent. Pour voir ce qu'ils en pensent grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et on aura Alessia juste après, on aura Pierre, on aura Geoffrey. Et vous en direct, hein, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, on est jusqu'à 2h. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir dans quelle pièce de votre maison vous préférez faire l'amour, monsieur. Mais que ça peut vous faire enfin, ouais. Vous emmerdez le peuple à cette heure-ci. Mais pas du tout, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça peut vous faire hein? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire hein? Quoi ça vous regarde? Allez vous faire voir. Hein? Bah, ça, allô? Allô, monsieur? Oui, non, mais non, il ne veut pas, il ne veut pas. Ah oui, mais c'est pas gentil. Je ne sais pas ce que t'avais à ta voix, pourquoi ça faisait de l'écho, mais ça, c'est bizarre. Tu vois, son téléphone pourri. Même ça arrive parfois, je crois que c'est quand le téléphone du gars est trop fort, où il envoie trop, et alors du coup, ça part en son bizarre. Bon, c'est pas grave, on appelle un sourd, quoi. Bah, oui, je sais pas, on va le rappeler, hein. Allez, c'est parti, on y retourne. Toujours en Corse, apparemment. Oui, oui. Vous êtes nombreux à envoyer des numéros de Corse, c'est bizarre. Oui, je m'excuse, monsieur, vous avez raccroché un peu vite, vous avez oublié de répondre à la question. Non, mais attendez, mais vous commencez à faire chier le monde, franchement. Hein. Ah, mais pas du tout. En même temps, si vous rappelez, de, pourquoi vous avez un appel masqué, d'ailleurs? Donnez-moi votre numéro. Alors, 01... Oui. 42. 48. 50. 50. 00. 00, merci. Bah, je vous en prie, mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. Mais ça ne vous regarde pas, tout simplement. Mais si, c'est pour ça que je vous appelle. Je fais ça sur un arbre, ça vous va? Non mais c'est pas dans votre maison un arbre, monsieur. Mais si, j'ai un arbre au milieu du salon. Ah bon, donc vous préférez faire ça dans votre salon? Non, sur l'arbre qui domine mon salon. Oui, donc... Mais sur la dernière branche, là-haut, toute petite. Ah oui, parce que... Voilà. Vous l'introduisez? Attendez, là. Oui. Vous êtes une radio ou quoi? Mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelle pour vous poser une question gentiment et c'est vous qui vous énervez, monsieur. Vous n'avez rien d'autre à faire? Ben non, pourquoi vous voulez que je fasse autre chose, monsieur? Ah bon, et vous, dans quelle pièce vous préférez? Ben, moi, je préfère la salle de bain. Ah bon. À choisir. Elle est assez grande au moins. Oui, oui, ça va, je vous remercie. Vous n'avez jamais glissé? Non, pas pour le moment. Bon, tant mieux pour vous. D'accord, je vous remercie monsieur alors. Donc je note que c'est dans votre salon que vous préférez vous. Voilà. Parfait, et une bonne soirée monsieur. Bonsoir. Au revoir. Ah bah voilà, au moins il y a une réponse. Ah bah voilà, oui. Ah bah nous voilà, rassurés, très bien. Hop, à la bonne heure. Il y a Benoît qui dit, je suis un prof dans un lycée, j'ai piqué trop de stylos 4 couleurs perso. Oh le bâtard. Et Nadir aussi, un prof m'a emmené chez la directrice parce que j'avais un bonnet vulgaire, donc il me l'a pris, il me l'a jamais rendu. Ah bah sympa, dis donc. Qu'est-ce qu'un bonnet vulgaire? Je sais pas. Il y a bah ça dépend, t'as peut-être une meuf qui a les jambes écartées dessus. Ah. Éventuellement, oui. Bon. Il y a Black Giraffe aussi, au collège à l'époque, ma collection de plus de 200 cartes de basket confisquées par la pionne et jamais rendu. Putain, la rage, alors que toi t'as fait la collection là pour avoir les 200 quand même. Et puis Julien qui dit, on va piquer mon laser et les profs s'amuser avec en salle de prof, les chiens. Ouais, le pire c'est quand ils te disent, ouais non mais tu ne peux pas avoir ça confisqué. C'est genre la bouffe par exemple. Et qu'ils arrivent, ils bouffent. Ouais, c'est mais ça c'est scandaleux, c'est ouais. D'où ils ont le plus de privilèges. Bah c'est... Ouh, ils se révoltent de petits toffes. Bien ouais, sûr, ils se révoltent, ouais. Moi j'ai été maltraité par mes profs toute ma vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme les flics qui brûlent les feux, tu sais, qui passent un peu n'importe où, n'importe comment. C'est pareil, si tu te dis aussi, ouais. Mais putain, espèce d'enculé, va nous mettre des gens de match. Ouais, mais ça c'est un autre problème, ça petit toffe en a pris un, mais ça c'est... Tu sais, c'est comme quand tu les vois parfois, on remonte avec Polo les champs la nuit, ben tu vois le flic, il passe, le feu est rouge, il s'en branle, il passe. Mais même pas de gyrophare ni rien. Il passe. En même temps, c'est la BAC, donc qui va leur non, dire non, quoi. Non, non, non, toi, t'as des vraies voitures de flics où marqué police dessus, les mecs s'en battent les couilles. Hein. Ouais, la BAC aussi, c'est des vrais flics. C'est non, mais plus vrais des vrais. Mais non, mais c'est la voiture blanche avec marqué police dessus, c'est pas les enfumes, quoi. National 1, moi j'ai vu des flics, des motards en train de faire la roue, s'il te plaît. C'est quoi National 1? La roue, une rue, mais la route. C'est une route, la nationale. Ah, d'accord. Une nationale. Non, mais ouais, tu me dis National 1. Je crois que c'est une chaîne de télé. Non, ouais. Je sais pas, elle dit National 1, j'ai vu un truc. J'ai dit quoi, c'est une émission de télé, c'est quoi le problème? Ils étaient genre 7 motards, des flics, hein. Ouais. Avec moto de flics et tout, hein. Ah, ici, ils sont motards, les oui. Les gars, c'est... non, mais tu sais, même pas. Ils vont pas ou quoi. Non, mais c'est hyper gonflé de faire ça. Bah oui, les mecs, ils font une roue sur le. En plein sur la route. Bah oui, mais ils s'amusent. Ils ont le droit, ils ont tout le droit. En plus, c'est la moto que t'as payé toi, donc ils bah ouais. Peuvent se permettre, tu vois. Ils peuvent niquer du pneu. Bah oui, bah bien sûr, évidemment, le pneu, de toute façon, quand il n'y en a plus une encore, hein, il suffit de changer, et puis voilà, t'en as un nouveau, tout neuf, nickel, parfait, impec. Ah, c'est écœurant, je trouve. C'est comme quand tu les vois au rayon alcool à Carrefour. Quoi, ils ont pas le droit d'acheter, ils ont pas le droit de faire les courses. Ouais, mais en civil, mec. Ils ont pas le droit de faire des pots de départ. Pas avec ton costume. Hein, parce que quand ils ont arrêté un mec et tout, après la garde à vue, il va partir en prison, c'est normal, un petit peu de départ. Allez, petit peu de départ, et puis on fait de ça. Non, quoi, c'est direct. Triste, les mecs, après le temps qu'ils ont passé à l'arrêter et tout, ça leur fait un truc sur le cœur. Mais évidemment, c'est normal. Bon, David avec nous. Salut, David. Ouais, salut. Ça va? Ouais, toi. Bon, très bien, oui, ça va, ouais. Enfin, toujours dans la patate que tout à l'heure, hein. C'est ça qui est cool. Bon, allez, on y va pour gagner l'iPad mini, peut-être pour toi, en tout cas, je te le souhaite. Depuis 23h, tu as pu balancer la colle, on va donc appeler maintenant un gagnant ou une gagnante, on verra ça. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si elle ne décroche pas ou qu'elle ne donne pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne, d'accord? Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et puis on aura une petite surprise, un revenant dans pas longtemps, là. Casper est là? Non. Bon, on l'a eu la semaine dernière et depuis il déborde. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Sophie. Salut Sophie, c'est nickel. J'aime bien sa voix. T'es en direct sur Fun Radio? Ouais. Ouais. Sophie, t'as quel âge? 20 ans. 20 ans, très bien. Et toi, tu es de Toulouse? De 7. Ah merde, 7, ah putain, fais chier. Top 7 qui est à côté de? Bah de 8. Eh, c'est ça, c'est un peu plus loin que 9. Ouais, c'est ça, depuis hier, ils font cette vanne de merde. Ouais. Par contre, c'est hyper loin de 3. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, alors, Sophie, il y a David qui a une collade posée. Vas-y, David. Alors, je suis invisible comme rien, mais tu peux m'entendre. Tu peux me prononcer, mais si tu me répètes, je me disparaîtrai. Qui suis-je? Un secret. Ouais, c'est ça. Eh hey, oh, ouais, ouais. Wouhou. Eh ben, c'est gagné, bravo. L'iPad mini pour toi, Sophie. Super. Eh ben, avec plaisir. Et malheureusement, bah, David... Désolé David. Bah ouais, mais c'est la règle, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est pas grave. Bon, salut David, bonne nuit quand même, hein. Salut David, merci. Allez, ciao, ouais, bah Sophie n'aura pas eu de... Ouais, mais merci beaucoup, hein, loser. Bon, salut David. Et puis bah bravo à toi Sophie, tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer l'iPad mini. Je peux faire un bisou à quelqu'un avant? Eh bah vas-y. Un gros bisou à Pauline, je t'aime très très fort. Oh. Nous aussi on l'aime, Pauline. Sur la chatte, moi j'en vois. C'est ta meuf ou ta meilleure amie ou c'est qui? C'est ma meilleure amie, on va dire. D'accord, quoi, t'as on va dire. Donc ça veut dire que tu lui as brouté le minou une ou deux fois? Ouais, 3-4 fois. Ah, 3-4 fois, d'accord, ok. Oui, donc c'est la meilleure amie, on va dire. Alors, bah, écoute, on va le dire, sans problème. Bon, bah, salut Sophie, gros bisous. Bisous, bye. Salut, à bientôt. Et puis, on aura dans quelques minutes. Dans quelques minutes, pardon, je vous donne ses initiales. JF. Kennedy. Non, pas John du tout. Fitzgerald. Je ne vous donne pas plus d'informations, mais je vous donne les initiales. JF. On aura Alessia aussi de Lyon. Salut Alessia. Salut Michael. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va. De quoi on va parler dans quelques minutes avec toi, Alessia de Lyon? J'appelle en fait, c'est parce que j'ai un petit souci, c'est que j'ai un métier assez complexe en fait que j'aimerais parler. Un métier assez complexe que j'aimerais parler. Bon, et en fait, voilà. Très bien. Bon, c'est quoi ton métier? Juste ça et puis on en reparle après. Dessinatrice. T'es dessinatrice? Oui, bon, je comprends quoi c'est particulier, mais écoute, on va en parler si tu veux, il n'y a pas de problème, Alessia. Tu restes avec nous, on va revenir avec vous toutes et vous tous, on est au cœur de la nuit sans pub. On est toujours en mode pépère sur Fun Radio avec Avicii dans un instant. Il est minuit 42, toujours avec vos messages qui arrivent avec le hashtag et Mickaël. On fait un petit top tweetos dans quelques minutes pour voir comment ça se passe au niveau des résultats vers minuit 45. Et puis Deoro, on écoute ça maintenant, c'est 5 Hours sur Fun Radio. Le son des Oros sur Fun Radio, c'était 5 Hours. Bienvenue si vous débarquez, minuit 45. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et dépêchez-vous hein, si vous voulez passer l'antenne. Il reste une bonne heure. On aura Polo contre le reste du monde dans une heure d'ailleurs. Et il y a Brandon qui dit quoi de mieux que de faire. Attends, c'est quoi? Quoi de mieux à faire que d'écouter. Que t'écouter. Attends, c'est quoi? Que de t'écouter. C'est ma faute en plus. Que de t'écouter mes devoirs, non. Mon rapport de stage, non. Il n'y a rien de mieux que d'écouter Fun Radio. Oui, c'est vrai, Brandon. Le seul problème, c'est qu'on ne donne pas de points. Ouais. On pourrait. Ah bah on pourrait, mais enfin bon, ça ne servirait pas à grand chose. Il y a Johanna qui avait envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit sur iTunes. Les Anglais, à défaut de ne pas savoir le faire, ils baissent dans la cuisine. C'est vrai que tant qu'à faire en même temps, c'est vrai qu'ils n'utilisent pas la cuisine. Non, mais non, c'est ça, beau, c'est les pires du monde. Bah ouais, et il y a Nadia aussi qui dit Mickaël, trop content de t'entendre dans les studios. Je pense que tu dois aller mieux. Bah écoute, j'ai toujours aussi mal, mais bon, il y a un moment où je me suis dit il fallait revenir un moment. Hein. Oui, bah oui, tu peux pas être en vacances toute l'année quoi. Bah c'est pas que j'étais en vacances, t'es sérieux, la semaine dernière, je peux te dire que j'étais pas en vacances. Hein. Moi, un samedi matin, le prof de dessin a confisqué notre. C'est quoi notre bouteille de Sky? On sortait de boîte, résultat, proviseur viré 3 jours. C'est Philo le routier de Brive. Oui, c'est oui, normal c'est en même temps. Oui. Si tu débarques avec une bouteille de Sky en cours, c'est normal. En revenant de boîte. Comme ça. Oui, en plus, oui. Et Gueltaz aussi, ma prof de primaire, m'a pris mes cartes fausses Pokémon car je vendais contre de l'argent et elle au. Et elle les a offert ses cartes à son fils. Et ben bien vu Gueltaz. Et puis Thomas aussi qui dit je venais d'aller acheter des jeux à un pote, il les a confisqués, j'ai dû tout rembourser à un pote. Et enfin Vladimir Poutine qui dit bonsoir à vous tous, ça fait 15 jours que je vous avais pas écouté, je mérite quoi? Et ben écoute, je propose un coup de pelle comme tout le monde. En toute simplicité, bien entendu. D'autres appels avec Tof, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Et là, nous allons donc, comme promis, eh bien, accueillir comme il se doit. Son Altesse Sérénissime. Exactement. Jean-François ? Jean-François ? Oui. Ah ! Je t'entends, Mickaël. Ben oui. C'est le principal. Comment vas-tu ? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal. Et toi, Jean-François ? Je me suis fait des soucis parce que je t'ai pas eu pendant 3 jours. Je me suis fait des soucis. Bah oui, oui, bah c'est pour ça qu'on. Bah c'est pour ça aussi, on était un peu inquiets. Elle m'a expliqué, elle m'a expliqué. Bah oui, j'ai des problèmes de dos, Jean-François. Bah je sais. Qu'est-ce que tu veux ? Pourtant, c'est pas l'âge, hein, vu mon âge moi, très. 49 ans, 9 juin. Non ! Ah bah tu les fais pas du tout, hein ? Non. Merci, Mickaël. Bah je t'en prie, écoute. Tu me verrais physiquement, tu me donnerais pas mon âge. Ouais, mais je préfère t'entendre. Et pourtant, j'ai 49 ans. Hein, ouais, ah bah bien sûr, mais enfin, je préfère t'entendre quand même. Hein. Bon, et si vous êtes une fille, vous voulez parler à Jean-François, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Hein. Il est beau, grand, fort. Gentil, je suis très gentil. Ancien légionnaire. Exactement. Alors, quelle fille qui veut de moi, y a pas de souci. Voilà, parce que bon, là, on aura évidemment. Alors, je lui donne pas 2 minutes pour arriver, pour appeler. Hein, on aura Cristal, à mon avis. Chez moi, Cristal. Bah oui. Ma Cristal. Donc, si vous voulez parler à Jean-François, 01 42 48 5000, n'hésitez pas. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Gentil, Mickaël. Bah, je t'en prie, parce que t'as toujours pas trouvé chaussures à ton pied. Non, Mickaël. Non, acheter non. Des baskets. Ça fait 6 mois que je t'ai parlé avec ma copine. Ça fait 6 mois que j'ai pas retrouvé de femme. Oh, non, mon pauvre loulou. Oh là là. Eh ouais, Mickaël. Bah, j'ai pas tiré mon coup. Bah, 6 mois que t'as pas tiré ton coup. Bon, heureusement, tu te branles au moins une fois par semaine avec nous. Pardon, mais quel? Je dis, heureusement, tu te branles au moins une fois par semaine avec Cristal. Tu sais comment des fois je me branle par semaine? Non. Non, j'ai peur. Tu vas avoir peur, hein? Ouais, ouais, ça va. Par jour, c'est des fois trois fois. Ah, quand même, hein? Ah, oh, ça va, trois fois, trois non, ça va. Par jour. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, trois fois, ça va. Ça dépend mes envies. Ouais. Ça dépend un petit peu de. C'est un peu... Ça dépend un peu du délire, quoi. Mais quand je suis avec. Comment tu l'appelles? Cristal. Cristal? Ah, bah, va être contente que tu aies oublié ça. Bah tant mieux. Écoute, ouais. Écoute, c'est le principal. Mais je crois qu'elle se sent bien avec toi aussi. Mais oui, bah bien sûr. Alors, bah justement, là, tiens, bah voilà, je l'avais dit, j'avais dit. Elle est gentille, Elle est chaude. Elle est chaude. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est une personne. Et en plus, exactement. C'est un beau gosse. C'est un bah, beau gosse. En plus. Parce qu'on est tous des humains après tout. Mais exactement. Bon, hey, Jean-François, tu nous racontes ta life là. Mais je t'avais dit qu'on a, je lui donnais pas deux minutes pour nous appeler. Effectivement, Cristal est avec nous. Salut, Cristal. Allô. Allô, Cristal. Oh mon chouchou, tu es là. Jean-François. Ah oui, Jean-François. Comment vas-tu, ma Cristal? Oh, mais ça va. Tu sais bien que quand tu es là, je suis toute chaude, je mouille, c'est la flaque dans ma culotte. Tu m'as manqué pendant 3 jours, 4 jours. Ah hein, oui, mais oui, c'est Michael, il était pas là, il pouvait pas nous mettre en connexion. Pas, Michael était en opération. Oh mais oui, en opération il commando. Pas, Michael, elle m'a expliqué. Ah bah oui. Ah bah tant mieux. Elle m'a expliqué. Oui, on va l'expliquer quoi. Je peux pas dire mieux. Non, c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Tant mieux si elle t'a expliqué. Tu j'appelle son pantalon. Oui, baisse ton pantalon. Et mon caleçon. Oh oui, fais sortir ton gourdin. C'est ma grosse criquette. Oh oui. Si vous avez remarqué, ça va de plus en plus vite. C'est 10 cm, allez. Oh oui, mais tu es déjà tout dur. Ça y est, je suis déshabillé là. Oui, mais est-ce que tu es tout dur? Elle est pas dure pour l'instant. Jean-François, est-ce que tu veux qu'on appelle Vanessa aussi ou pas? Oui, appelle Vanessa. Bon, attends, on va l'appeler alors. Appelle Vanessa. Vanessa. Il est gourmand là, il veut. Vanessa. Vanessa, on veut la Vanessa. On l'appelle. On veut la queue, Mais non, JF, y'a que la tienne qu'on veut. Attends, on l'appelle. Que de la mienne. Attends, Jean-François. Oui. Elle est peut-être avec un autre mec, hein. Bah oui, elle décroche pas. Oh, je suis inquiète. Allô. Allô, ma chérie. Oui. Il y a JF qui est là. Ah, Jean-François. Bonjour, Vanessa. Comment ça va? Et toi? Oh, tu m'as manqué depuis la semaine dernière. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu sais que je me suis plus touchée depuis. Et moi, je ne suis pas masturbée depuis. Non. Oh, on a des points communs. Une fois, hier, je me suis masturbée. Mais alors on a des points communs? On a des points communs. Oh, c'est génial. Toi t'as envie de sexe et moi j'ai envie de sexe. Eh ben non, ça fait 6 mois que ma copine m'a laissé tomber. Mais c'est une salope. Oh oui, six elle mois sait... sans tirer mon cou. C'est dur, hein. Elle sait pas ce qu'elle a perdu. Mais oui, bien sûr. Elle sait pas ce qu'elle a perdu. Mais non. Là, elle est dans la merde. Je suis sûr, elle doit regretter. Oui. Mais tu sais qu'hier soir... Elle doit regretter. Mais oui. Jean-François. Oui, dis-moi. Tu sais qu'hier soir, j'ai pensé à toi. Moi aussi j'ai pensé à toi. J'ai mis mon iPad à l'intérieur. Oh, elle a tout rentré. Oui. Oh, t'es comme gentil, une grosse cochonne. Ah oui. T'es gentille, ma chérie. Mais je t'en prie, c'était énorme. Elle est adorable. Ah oh, oui. Et après, on l'a fait vibrer. Ah oui, ça vibrait, hein. Oh, t'es gentil. Mais oui, ça vibrait. T'es gentille, ma chérie. Mais oui. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Bonjour, écris ton nom. Oui, on passe à l'action, oui ou merde? Oui, on passe à l'action. Attends, mais oui, alors crie ton nom. Jean-François. Oh ah, voilà. Oh là là, ça me chauffe. Voilà. Oh là là, ça y est. Allez, continue, oh, plus fort. Celui qui donne des ordres et qui ordonne. Oui, oh, oui, oui, mon adjudant. Oh oui, vas-y. Oui, mon colonel. C'est un légionnaire. Et oui, mon légionnaire. Oh oui, défonce-nous. Je défonce le cul. Oh oui. Oui, vas-y, continue. Je défonce la chatte. Oh oui. Mais tu ne... Tu te mets dans la bouche. Oh, mais oui, tu te branles pas, là. Tu te branles pas. Fais-nous entendre. Bon, je te fais entendre. Oui, écris en même temps ton prénom. Bon, écoute bien, hein. Oui. Oh, voilà. Oh oui. Écris ton prénom en même temps. Oui, dis ton nom. T'as entendu? Oui, mais dis ton prénom en même temps. Mais je suis mou là. Non, mais là, bah, durci. Excitez-moi. Vas-y. Comment t'habiller? Je ne suis pas habillée, on est toutes nues, toutes les deux. Vanessa, parle-moi. Oh, Vanessa, parle-lui. Moi, j'ai le balai à chiottes à l'intérieur. Oh, oui. T'as pas voir ma queue, hein, ta chatte. Oh, oui. Si, j'aimerais bien, mais elle est toute molle, tu m'as dit. Mais là, à fond. Mais elle est molle, la pauvre. Oui, faut la faire durcir. Elle est malade. Mais qu'est-ce qu'elle a? Écoute, tu veux que je t'envoie Cristal pour la soigner? Elle est infirmière. Envoie-moi, là. Oui. Très bien. Je vais te la sticker. Je vais te la faire monter avec ma grosse langue. Oh, je vous ai toutes les deux, Cristal et Vanessa. Oui. Je vous ai toutes les deux. Oui, on est là toutes les deux. Oui, on est là toutes les deux. On va te bouffer le blanc. Je vous aime toutes les deux. Mais nous aussi, on t'aime. Nous aussi, on aime quand tu nous défonces. Mais on t'aime encore plus quand tu te branles et tu cries ton prénom en même temps. Moi, si j'aimerais bien te laisser Clito. Ah oui, mais vas-y. On a les jambes écartées, là. C'est Clito. Il est bien dur, là. Mais Cristal, il préfère la Nulagus. Il est bien dur. Oui, elle est chouette. Elle a ma queue de 20 cm dans le vagin. Elle a gagné 2 cm depuis 20 tout à l'heure. Centimètres. Mais là dans mon petit cul. En levrette. Ah oui, bien sûr. Tu veux pas la mettre dans mon petit cul? Si, dans ton petit cul. Oh oui, vas-y, hein, continue, enfonce-la au fond de ma dinanue. Dans ton petit cul. Vas-y. Mais écoute, mais. Tu m'excites, là, commence à bander. Ah là, mais branle-toi en criant ton prénom. Oui, tu commences. Oh, Jean-François. De loin, branle-toi. Vanessa, fais-nous écouter. Vanessa. Oui, je suis là. On est là, on est toutes chaudes. Je suis toute nue. Oui, je suis toute nue. Non, complètement. Mon Dieu, mais vous m'excitez, les femmes. Mais oui, on est là. J'aimerais bien avoir ta tête entre mes seins pour te faire une branlette espagnole de nous. Je suis beau gosse. Mais oui, on en doute pas un instant. Je suis beau gosse. Mais on préfère imaginer. On sait que t'es beau gosse. Imagine que c'est Tom Quiz. Tom Quiz, oui. Eh bien, très bien, c'est Tom Quiz. Est-ce que tu as des réponses? Très bien. Imagine que c'est Tom Quiz. Oui, hein, Tom Quiz, tu m'excites. Oh, je t'excite. Oui, excite-nous. Est-ce que t'es pilote d'avion également, pilote de chasse? Cristal, elle grossit ma queue, elle grossit. Oh là là, mais fais-moi entendre. Oui, écris ton prénom en même temps. Jean-François. Plus non, fort. Fais-nous entendre. Jean-François. Oui, mais fais-nous entendre. Jean-François. Non, mais branle-toi et fais-nous entendre. Fais-nous entendre ta bite. On va entendre ta grosse bite. Oui, écris ma bite. Écris ton prénom en même temps. Voilà. Deux choses en même temps, il ne peut pas faire. Écoute bien. Oh là là. Je l'imagine dans ma chatte. Vas-y, attends de m'exciter maintenant. Ah oui, mais je l'imagine dans ma chatte, ta grosse bite. T'as pas des bas noirs? Des bas, oui, je vais mettre mes bas noirs. Ah, il va être là, on arrive au bout ce soir, je pense. Je vais mettre mes bas noirs. Oui, mais voilà. Les bas noirs. Les bas y sont mis. Ouais, ah, ça m'excite, ça m'excite. Ah oui, c'est vrai, hein, bah tant mieux. Oh, mêlée. Mais le problème, c'est qu'elles tiennent pas tellement, on est excité, ça redescend. Ah oui, on est toutes mouillées. Vanessa, tu m'entends? Oui, je suis là. Chérie? Oui. Je vais t'embrasser. Non mais viens, j'ai pas envie que tu m'embrasses, mais plus. Embrasse-lui la chatte. Je suis Diana. Moi, je t'embrasse la chatte, chérie. Voilà, je suis Diana, jambes écartées, je t'attends. Je t'embrasse la chatte. Vas-y, continue. La chatte. Oui. Mets-lui la langue. Et ton cul, ton trou du cul, oh, oui, laisse-moi ma petite rondelle. Ton trou du cul, je te l'embrasse. Vas-y, c'est génial. J'adore quand tu me lèches la rondelle. Voilà, mais écris ton prénom en même temps. Arrêtez, je vais me faire jouer. Vas-y, c'est ce qu'on attend là, par pitié. Vas-y. Nous, on est en bord là, on va jouer, on n'en peut plus. Vas-y. Oui. Mon amour. Oui. Oh, j'en peux plus. Je suis nue avec mes bas. Avec les barésies. T'as mis des bas. Oui, j'ai mis mes bas. Oh, ma chérie. Oui. Vas-y. Oh, ma chérie. Attends, je vais masturber, écris ton prénom en même temps. Attends, je vais masturber un peu. Oh, Cristal, t'aime, ma Cristal. Moi aussi. Là, il est 1h du matin et je te fais l'amour. Oh oui, on fait l'amour, mais vas-y. Écris ton prénom en même temps. Crie le plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Jean-François, Cristal. Plus fort, on est là. Tu m'excites. Mais Vanessa, tu m'entends, Vanessa? Oui, on est tout en Non, mais Vanessa, oui, c'est longtemps. Mais je suis là. Non, c'est toi, Cristal. Mais non, c'est Vanessa. Et Cristal, c'est moi. Voilà, et moi, c'est Vanessa. Et moi, c'est Cristal. Voilà. Oui, mais moi, je suis Vanessa. Mais je suis là. Là, je suis en train de bander, là. Mais vas-y, mais continue, branle-toi et pense à nous. On est là fort. Toutes les deux avec mais les jambes écartées. Comment vous êtes habillés, t'es on est en ligne, combien de fois on va te le dire? Avec des bas rouges, oui, bas non, rouges, oui, rouge, et bas rouges. Rouge, rouge, rouge, mauvais vert. Du bas rouge, ça oui, m'excite. C'est vrai, on est là. Et imagine que tu te laisses le pito, là. Mais les choux, on va essayer d'imaginer ça. Alors, oui, on imagine. Écoute-moi. Oui. Là, je suis en. Je suis entre tes cuisses. Oui. Et je te laisse le clito. Oui. Je te laisse le clito. Oui. Mais on s'en fout. Et vas-y, après pour te nous. Pénètre. Après, oui, je te pénètre. Voilà. Oh, oui, mais pénètre-nous fort. Je te pénètre, je te ferai oui, mal. T'as manqué avec grosse oui, ma queue. Fais-nous mal, t'as mal, très mal. T'as manqué avec grosse ma queue. Mais fonce-moi la chatte. En érection. Allez, vas-y, continue. Défonce-moi la chatte et arrête de discuter. Écris ton nom. Écris ton nom, ça nous excite. Oui, écris ton nom. Allez. Oui, mais écris ton nom. Écris ton nom. Jean-François. Plus fort. Oh putain, il est long à venir ce soir. Plus fort. Allez, allez, vas-y, jouez. Vas-y. Jean-François. Vas-y. Jean-François. Vas-y. Oh, Cristal. Mais oui, on est là toutes les deux. Tu m'excites. Vanessa, tu m'entends? Oui, je suis là aussi. Oh, toi aussi, t'es là. J'en peux plus, vas-y, jouez. Allez, on est presque au bout. Je vais jouer. On est presque au bout. Ah, je jouais là. Allez, viens. Ça vient. Allez, viens. Je jouais, je n'en peux plus. Allez, viens. Ça vient. Je jouais. Ah, ça y est, j'ai joué. Ah, ben voilà. 23h, 2h. Test down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, il était dans, il était long à venir ce soir. Oh là là là là là là là là là là. On a galéré. Hein. Oh là, c'était moins bon que d'habitude, je sais pas. Bon, une heure du mat sur Fun. Allez, on va lire tous vos messages qui sont arrivés après le son d'Avicii. C'est Lay Me Down sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'il est bon le nouveau son d'Avicii. Je l'adore. Sincèrement, c'est un de mes morceaux préférés sur Fun. C'était Lay Me Down. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M.I.K.S. suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et je vous cale aussi tout à l'heure le son de Rebel et Sydney House avec Black Pearl. Avant de partir, je vous le mettrai évidemment. Il y aura aussi le son de David Guetta. David Guetta Showtech, ce sera Bad sur Fun Radio. Et puis je vous calerai avant 2h aussi le son de Major Lazer. On l'avait demandé avec le hashtag et Mickaël, celui-là tiens. Major Lazer et Sean Napole. Ça sera Come To Me aussi sur Fun Radio. Bon, si jamais vous avez envie d'écouter autre chose, hein, n'hésitez pas à vous demander, il n'y a aucun problème. Hashtag et Mickaël, comme d'hab sur le Twitter de l'émission. D'ailleurs, en parlant de hashtag et Mickaël, on a dit qu'on ferait un petit top tweetos là. Bien sûr. Eh ben voilà, comment se porte le Twitter de l'émission actuellement. Je rappelle que plus vous tweetez, plus vous avez de chances de terminer dans le top 5 des meilleurs auditeurs de l'émission et par la peine du coup d'être numéro 1 et donc de repartir avec les sextoys offerts par passagedudésir.fr dont, et apparemment nous avons des œufs vibrants aussi télécommandés. Oui, enfin on a reçu plein de trucs, hein, on a reçu des jeux aussi, des voilà, jeux de société. Donc on vous offre ça, on fait un petit topo maintenant à 1h06 du mat. Comment ça se passe si on arrêtait tout maintenant? Qui est numéro 5? Julien. Qui est numéro 4? Hugo Réo. Qui est numéro 3? Fred S34. Qui est numéro 2? Chocotoff. Et le numéro 1? Magda. Magda, qui a déjà gagné, cela dit. Oui, c'est vrai. Bon, à vous de jouer, il vous reste un petit peu plus de 50 minutes pour faire bouger tout ça. Il suffit de balancer tous vos messages avec le hashtag et Mickaël pour ceux qui tweetent ce soir. Voilà, il y a un message de Devine qui je suis sur le Facebook qui dit JFT mon héros, des barres de rire avec toi, un sacré cochon. Oh, c'est mal le connaître. Mais oui, il est pas c'est comme ça. C'est mal le connaître. Devers45 qui dit mort de rire, moi je suis écroulé par terre tellement ils m'ont chié de rire. Il y a Jojo qui dit défonce-moi la chatte, écris ton nom. Brandon aussi, j'en pleure de rire, là, je vais me pisser dessus tellement c'était drôle. Il y a Stéphanie qui dit écoute bien ma queue, il est magique. Ah ouais, et puis en plus c'est tellement excitant. Ah ouais. Oh là là là là. Il y a Canvant aussi, Jean-François est chaud ce soir encore, comme d'habitude d'ailleurs. Nadia qui dit moment bien hot avec Jean-François. Il y a Nasri aussi, Nasri au mondial, qui dit Cristal la coquine. Il y a Magda aussi, ah oui, sacré JF et mort de rire pour JF. C'est Marinette qui avait envoyé le message. Mystique aussi, on veut de la queue, la devise de Jean-François. Ouais, bah il sera de retour la semaine prochaine, rassurez-vous. Hein. Ah, attends, ça va va alors. Il vient une fois par semaine pour sa petite branlette de la semaine. Voilà, ouais. C'est ça. Et Brandon aussi, mort de rire, m'a tué JF là. Crystal in the place, c'est parti pour une branlette partie de la part de Jean-François, bien entendu. Et puis Ben Laden dingue de... Attends, c'est quoi ? Ben Laden dingue beau gosse qui dit je me couche et j'entends Mickaël lire le tweet de Poutine. Alors je suis revenu. Allez, promis voilà. Sur les dictateurs. Exactement. Et Club Ed aussi, Jean-François. Il est passé. Pour ceux qui ont raté ça, bah c'est dommage. Faudra être là, on le reprendra. C'est notre un petit peu notre star de l'émission, ce Jean-François. Toujours à la recherche de meufs, bien entendu, ça tombe sous le sens. Tiens, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des passagers chiants dans les transports en commun ? Ouais, souvent. Genre ? Ça dépend, t'as la vieille qui veut absolument s'asseoir alors qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. Ouais. Quoi. Bon, enfin, ouais, normalement, elle a la priorité. Hein. Oui, ou alors, non, quand elle a la priorité, en fait, elle veut pas s'asseoir. Ah, oui, je parle quand le métro il est bondé, t'as de la place nulle part, tout le monde est debout et la meuf elle veut absolument s'asseoir. Bah, ouais, c'est une vieille toffe. Bah oui, bah viens pas à cette heure-là alors. Pourquoi tu viens moduler, espèce de con, je t'ai rien demandé moi, il est con lui. Genre ça c'est le truc. Calme-toi, c'est le truc je supporte pas, c'est les petits vieux qui viennent quand c'est blindé. Et oui je vais m'asseoir. Ben ouais, mais voyage à une autre heure. Mais ils ont le droit de voyager quand ils veulent quand même. Non, ils ont toute la journée, eux, ils sont vieux, ils ont que ça à foutre. Ben peut-être que justement le mec est parti tôt le matin pour aller faire un truc et puis il est revenu le soir. Il va tellement pas vite qu'il est revenu le soir. Franchement, je sais ce que c'est hein, pour l'instant de pas marcher. <T'es travi. rire> Avec, je peux te dire que à vitesse où je marche là avec le dos là, je peux te dire que fou. Mais non, c'est insupportable. Non, mais d'accord, c'est comme ceux qui effectivement, ça aussi c'est vrai. Pour le coup, il y en a plein, mais ça c'est aussi, je pense que c'est pour parler avec des gens. Hein. C'est qu'il y en a plein des petits vieux ou des retraités, enfin, tu sais, des retraités qui vont faire les courses le samedi après-midi. Ouais. C'est quand c'est le monde qui est en galère. Alors qu'ils peuvent aller toute la semaine. C'est parce qu'ils veulent une vie sociale, ils ont besoin de parler avec les gens, Tof. Voilà, c'est ça. T'aurais dû lui parler, cette pauvre dame, là, espèce d'enfoiré. Il y avait 50 000 mecs dans le métro, ils étaient à lui parler. Ce mec, il aime vraiment personne, c'est vraiment un enculé. C'est exactement ça. Ça aurait été une bombe de meuf, une blonde, j'aurais parlé. Non, après, pas le métro, elle. Ouais, mais toi, tu lui aurais parlé, mais est-ce qu'elle t'aurait répondu ? Pas sûr. Non, elle aurait parlé avec les autres, mais c'est pas grave. Ah ouais, bah voilà, c'est ça. Elle t'aurait probablement pas répondu, et au final, tu serais bien avancé. Enfin, non, en l'occurrence, tu serais pas bien avancé. Non, c'est vrai. J'aurais été très déçu. Bah ouais, c'est ça. Bon, très bien. Alors, donc, du coup, je vais vous mettre la vidéo d'une meuf. C'est une petite. Enfin, c'est même pas une petite vieille, c'est une meuf. Je sais pas, elle doit avoir 40 ans, un truc comme non, ça. Non, peut-être même pas, tu sais. Ouais, je sais pas. Qui prend la tête à tout le monde. La meuf, c'est une vraie ouf. Donc, venez nous dire si vous êtes déjà tombé sur des gens prise de tête dans les transports en commun. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Sandro, c'était déjà arrivé, ça, j'imagine, non ? Non, ça va, moi, ça me fait rire en fait. De quoi ? Tomber sur des ouf ? Regarde, ouais, j'observe en fait. Mais nous, on était tombés sur un truc un jour avec Polo, on était à New York, on était en pleine nuit dans le métro, et il y avait un mec qui changeait de place toutes les 3 secondes. Ah oui, il s'installait, il regardait, il se barrait. Il s'installait, il se couchait, il se relevait, il se barrait. Ah. Et c'est le malade. Complètement barré. Les mais gentil, enfin, hein, il était pas agressif ni rien, il était juste bizarre. Les mecs qui se plaignent du métro parisien, qu'ils aillent le métro new-yorkais dans la nuit, tu vois des ouf, hein, que ouais. Des ouf. Mais par contre, ça a l'air plus safe. Bon, déjà, il y a le métro à New York la nuit, hein, ce qui n'est pas le cas ici. En même temps, tu bouges d'un pied, le mec, il te met une balle dans la tête, donc oui, ça, c'est plus ouais, safe. Ouais. Mais voilà, mais c'est ça, c'est... Non, c'est plus safe. Sinon, t'as le mec aussi qui parle tout seul. Vous êtes jamais tombé là-dessus. Ouais, le mec, il est là, et tu sais, il est... Ah, il s'énerve. Oui, c'est vrai. Où il y a la grosse qui vient. Excusez-moi pour les dames qui sont dans l'opulence corporelle. Corporelle. Non, mais de toute façon, on a Sandro. Ouais. Tu vois, on peut faire des vannes sur les juifs si t'as un juif dans l'équipe. On peut faire des vannes sur les rebeux si on a un rebeu. Bon, bah là, c'est pareil. Je suis la caution de la saloperie que Polo va lâcher. Dans voilà, donc c'est ça. Assis, et là, t'es confort, t'es trop. Il y a personne, t'es là, et il y a de la place partout. Et t'as la grosse qui se met juste à côté de toi, et elle déborde sur toi. Et tu dis, mais ça se fait pas, Polo. Mais c'est vrai ? C'est pas de sa faute. Mais non, mais il y a de la place partout. Pourquoi elle vient déborder sur ma personne ? Parce qu'elle a besoin de parler, cette grosse, Polo. Voilà. Ouais, pourquoi tu lui as pas parlé ? Et c'est là que tu t'es pas rendu compte que la grosse, elle s'est assise sur la poche de ta veste et donc tu veux te lever, tu peux pas. Ça vous est jamais arrivé, ça? C'est pas très grave, Tof. Non. Moi, ça m'est arrivé parce que, tu sais, dans le métro à Paris, les fauteuils, ils sont hyper serrés. Et surtout quand t'es sur les petits strapontins. Ouais. Et donc là, je sais pas, la meuf, elle s'était assise sur la poche de ma veste et donc impossible de me lever. Et quand t'as cette même grosse qui est déjà installée et que toi t'arrives et que tu t'installes, elle doit se dire, mais putain, cette espèce de tête de merde là qui vient s'installer à côté de moi? Alors pour toi, je sais pas, mais moi quand je vois des gens, en règle générale, je m'assieds pas à côté de moi. Ouais, moi non plus, pareil. Je reste debout. Mais elle doit se dire, putain, ils font bien ces deux blaireaux là. Ces deux têtes de cons de pas s'asseoir à côté de moi. Et puis il y a les Roumains qui essayent de voler les gens. Je me serais mis en plein milieu. Où ça ? Bah en plein milieu de deux sièges, juste pour chercher. Ils ont raison, ils ont raison. Bah oui, bien sûr qu'ils ont raison. Très, bah, évidemment. Mais il y en a plein, il y en a plein maintenant qui prennent deux places juste pour casser les couilles. Bah ouais. Tiens Polo, j'ai trouvé une bague par terre. Là. C'est à toi. Je la fais à 50 euros. Ah la vieille escroquerie de baltringue là. Bon, il y a Maxime qui dit trop raison, les vieux aux heures de pointe, faudrait les interdire ou faire des passages souterrains pour vieux. Mais Maxime, n'importe quoi. Le passage souterrain pour oui, vieux. Non, il a raison, comme une voie de bus, une voie de vieux. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire, comme ça on les passerait. On les confine dans un seul wagon. Mais n'importe quoi. Bon, il y a FredS34 qui dit oh ouais, un mec relou qui va me gaver dans le train en plus. Il y a Ken Vante aussi qui dit ouais, un mec avait pété dans un bus, ça puait trop. Ah, à mon avis, t'as dû faire le voyage avec Polo, toi, à mon avis, je pense. Hein. Non, voilà. En fait, je pète pas dans les transports en commun. Non, jamais. Je préfère péter dans les ascenseurs quand c'est il y a Sandro. Et il y a Mickaël aussi, un petit coucou à toute l'équipe, j'espère que tu vas le lire. Bah voilà, c'est lui, en tout cas, merci pour le message. Et Jong qui dit aussi, moi, il y a un vieux qui me fait chier pour laisser ma place dans le bus parce qu'il avait mal au dos. Bah oui, écoute, en même temps, c'est normal. Les vieux peuvent s'asseoir, les femmes enceintes peuvent s'asseoir, les personnes handicapées aussi, c'est normal. Non, mais oui, mais les femmes enceintes et les vieux, quand tu te lèves pour leur laisser la place, ils te font, non, merci. Mais t'as envie de dire, mais. Et ça dépend. En fait, ils disent même pas vas-y. Non, c'est bon, je reste debout. Mais, bah, ça alors, reste dépend. Debout. Bah oui, après, s'ils ont le droit de rester debout aussi, c'est pas une obligation. Ouais. C'est pas parce que tu te lèves que d'office. Non, assieds-toi par politesse. Oui, mais quand tu leur laisses pas la place, ils te regardent comme ça, genre, ils pourraient se lever. Bah ouais, mais c'est ce que tu imagines. Non, c'est sûr. Parce que ça, c'est le problème de Polo, c'est qu'il voit quelqu'un et il s'imagine qu'une vraie gonzesse. Non, c'est vrai. C'est non. Ça, c'est. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder? Bah, regarde pas, c'est quoi le problème? Non, attends. Tu regardes pas les gens. Tu peux. Alors, je t'explique. Tu regardes les gens vite fait. Moi, parfois, je fixe les gens parce qu'ils ont peut-être une particularité ou parce que je les trouve super beau ou au contraire super moche. Oui, mais tu regardes vite fait. Tu les fixes pas. Non mais toi t'as un problème de fixette aussi, enfin bon. Bon attends, il y a Pierre qui est avec nous, tiens, de Vieux Moulin, salut Pierre. Oui allô. Où t'es un doux toi? Ouais. Ça sent la douceur ça. Ouais, chez lui il y a que le moulin qui est vieux. Ah ouais. Salut ça, Mickaël. C'est clair. Ça va ou quoi Pierre? Ouais ça va. Bon tranquille, t'as quel âge? Moi j'ai 12 ans. Ah oui c'est pas très vieux. Oh hein. C'est bon ça. Ah ouais donc t'es né après 2000 alors. Ouais. Ouais. 2002. 2002 ouais. 2002 c'est beau. J'aimerais bien tuer un doux un jour pour voir. Non, c'est pour rire, calmons-nous. Bon, tu nous appelais pourquoi, dis-moi Pierre? Bah, pour être un doux. Ah, tu veux être un doux officiel? Bah oui. Bon, attends, je te passe Polo alors. Salut, jeune doux. Salut. Comment t'appelles-tu? Pierre. Pierre, tu veux rentrer dans l'armée des doux? Oui. Moi qui suis grand maître de la confrérie des doux, je peux accéder à ta demande. Mets-toi à genoux. Oui, je suis à genoux. Insulte-toi. Je suis une grosse merde, une sale pute de merde là, elle s'est refoutue de connard de merde de Pierre. Il suffit, brave Pierre. Pierre, est-ce que tu as ton téléphone dans la main? Oui. Frappe-le-toi contre la tête. Encore. Stop Pierre, ça suffit. Pierre, tu es officiellement un doux, bravo. Bravo, et comment il s'appelle celui-là? Le roux qui se balade avec une carotte sous le bras. Très bien. Mais notez-le, hein. Voilà, ouais. Tu es donc le roux qui se balade avec une carotte sous le bras, c'est ton nouveau pseudo. Voilà, bravo le doux. C'est fait. Oui, Mickaël. Oui. Il y a une. Il y a le doux qui bande sur une arête qui veut faire une dédie. Il y a qui? Ah, c'est un doux, ah, attends. C'est un autre doux. Il s'appelle comment lui? Alexandre, c'est mon frère. Ah, et c'est quoi son nouveau. C'est son nom, que le nom que Paul lui a donné? Le doux qui bande sur une arête, d'accord, ok, très bien. Ouais, bah oui, vas-y, il a le droit, les doux officiels peuvent faire jusqu'à deux dédicaces. Tu me le passes? Non, bah attends, mais qui vient, ou fais-la toi, mais qui, ou peu importe. Je peux faire une dédicace? Bah vas-y, bien sûr. Ok, je le fais à deux personnes du coup vu que je suis doux. Ah bah deux. Ouais. Tu la racontes là un peu, non? Alors je fais une dédicace à mon frère et à mes parents qui m'écoutent tout juste en bas. Ah ouais, donc 1h15 et les darons sont là et ils écoutent. Ça s'appelle le doux qui bande sur l'arête là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est normal, c'est okay, un doux. Très bien. Bon, on embrasse les parents. Eh, bravo, hein, 1h15, vous laissez encore les petits là, voilà. Écoutez là, bah bravo. Allez au lit. Bon, allez au lit, Pierre et le frère là. Hein. Ouais, salut. Bon, salut à vous deux, à bientôt, salut. Ouais. À Allez, ciao. On va prendre Geoffrey dans quelques minutes de Douchy-les-Mines dans le Nord. On aura Alessia également pour parler métier. Et puis on parle encore évidemment des tarés que vous avez peut-être pu rencontrer à un moment ou un autre dans les transports en commun. Je vous ai mis la vidéo sur le Facebook de l'émission de la meuf qui prend la tête à tout le monde dans le métro. Et dites-nous si ça vous est déjà arrivé. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Tony qui dit Polo et Mongol de demander à chaque fois sur le doux, à le téléphone, à l'oreille. C'est logique, sinon comment est-ce qu'il appelle? Non, espèce d'idiot, parce qu'il peut avoir un kit main libre, Abridji. Non, Sandro l'a dit non. Ouais, mais enfin, Sandro, il dit à chaque fois non, et puis pourtant, il y en a plein qui le font quand même. 1h18, Sandro, sur n'aurait pas d'autorité. Eh bah, visiblement. C'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h du mat, vous balancez vos messages comme d'hab. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous balancez vos messages aussi, venez nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter de l'émission, tapez Mickaël officiel. Si vous m'ajoutez, je vous suivrai également sur le Twitter et sur l'Instagram. On écoute Rebelle et Sydney House maintenant, c'est Black Pearl sur Fun. C'est Fun Radio avec Rebel Sydney House et Black Pearl sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, avec les appels de Toff aussi dans 10 minutes. Là, on fera les derniers de la soirée. Je vous rappelle également que si vous avez des numéros de téléphone de personnes debout à cette heure-ci, évidemment, n'hésitez pas à les envoyer sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Rejoignez-nous également sur la page Facebook de l'émission. On est presque 410 000 ce soir sur la page Facebook de l'émission. Donc venez nous rejoindre à facebook.com. Tapez Mickaël officiel. Voilà, il y a Jordan aussi. Le plus casse-couille, c'est les poussettes dans les bus ou le métro. Elles bloquent les sorties. J'ai même déjà manqué mon arrêt à cause de ça. Bah oui, mais bon, il faut bien qu'il se bat, il faut bien qu'il transporte. Ouais, mais il y a des façons de faire. Ouais, non, c'est une question de respect mutuel. Bah, une poussette, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, elle la plie, puis elle la met sur le côté, puis elle. Oui, mais t'imagines, si elle demande pour deux arrêts, elle doit enlever mais le bébé, chez elle. La plier, tout. Enfin, grand mamie, qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Et toi, tu as ta caresse chez toi, toi? Et non, moi je suis Polo. Ah bah justement, je suis général de l'armée des doux. Bon, il y a Valo qui dit, moi j'étais dans un bus quasi vide, une vieille dame est montée et a tapé un scandale car un mec était à sa place habituelle. Enfin, c'est bon, ouais, ça. Mais ça, c'est les petits vieux, c'est vrai qu'ils ont parfois des habitudes et tout. C'est vrai que c'est relou, mais bon, mettez-vous à leur place, c'est le seul truc qu'ils ont. Il y en a certains, ils ont que ça, donc. Non, mais moi, si un vieux il me dit, ouais, excusez, ça vous dérangerait pas que je m'assieds à ma place, c'est ma place habituelle, mais je lui dis, bien sûr, même un mec qui est un peu dingue. Tu sais, ça peut arriver, t'es des tocs, t'es obligé, tu sais. Ouais, ah bah ça, bah Polo, il sait de quoi il parle. Et donc, oui, moi, si on me le demande, mais tu sais, j'aime pas, là, c'est l'attitude où le mec, tu sais pas, en fait, tu sais pas ce qu'il veut, et tu lui dois, non, mais parle. Oui, mais voilà, tout. Après, il y a la manière de demander, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Il y a la manière de demander, on est d'accord. Bon, il y a Geoffrey qui est avec nous maintenant, Douchy-les-Mines, là. Salut, Geoffrey. Geoffrey? Ah oui, Jordan. Ah, mais désolé, mais bon, j'ai coupé la radio en même temps. Geoffrey, tu es là? Ah oui, allô. Ah très bien. Qu'est-ce qu'il se passe? J'arrive au parleur. Ah c'est mieux, ouais. Je suis sur Call of Duty, alors j'ai les deux. Ah d'accord, ok. Bah, j'ai un petit peu au téléphone en jouant à la console, c'est compliqué. D'accord, oui, bah justement, fais attention, déjà préviens tout le monde dans Call of là qui se branche sur Fun. Ah bah j'ai déjà prévenu deux potes. Hein. Vous avez entendu les gars? Branchez-vous sur Fun Radio. Parfait. Et il parle à Call of là. Oui, parce qu'ils peuvent parler, oui, c'est vrai. Bon, très bien. Alors, Geoffrey, qu'est-ce qui t'amène là? Ça t'intéresse toujours de savoir à quoi servent les poils pubiens? Oui, bah oui. Non, c'est j'en ai plus, donc ça sert à rien. On en avait discuté, tu te souviens? Oui, oui, je me souviens qu'on en avait parlé il y a un petit bout de temps. On s'était demandé à quoi ça. Enfin, on s'était pas demandé, mais on s'est demandé si vous les rasiez ou pas, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, mais oui, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, mais quelle était la raison? T'as mené l'enquête? Ouais. Bah, mais attends, Call of Duty, il a amené l'enquête. Tu m'as dit de demander à mon prof d'SVT, ouais. De lui demander ma colline heure de colle. Du coup, je suis parti sur Wikipédia. Attends, il est sérieux? Il t'a mis une heure de colle parce que tu poses une question? Mais alors? Ouais, il est con, lui. Il m'a mis une heure de colle parce que il considérait ça comme vulgaire de poser ce genre de questions. Voilà, d'accord. Bah merde alors, il est con, lui. Il aurait pu dire, écoute, pose-moi. Tu l'as posé en plein cours ou après les cours? À la fin de l'heure. À la fin, en plus, à la fin de l'heure. Attends, ça dépend comment tu lui as posé la question. C'est genre avec un petit sourire, je me fous de ta gueule, ou genre vraiment parce que t'étais, tu voulais savoir quoi. Je suis arrivé, je fais un petit sourire parce que ça me faisait sourire sur le coup de poser cette question à prof. Je lui demande, s'il vous plaît monsieur, est-ce que vous pourrez me dire quoi sert les poils autour du sexe? Bon, tu prends tes affaires, tu prends une heure, allez, casse-toi. Allez, dégage. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh bah ouais, mais ça c'est le petit sourire en coin, ça. Il a cru que tu te foutais ta gueule. Eh oui. Bon, et du coup, ça sert à quoi? Bah, j'ai regardé sur Wikipédia en vitesse. Ouais. Et j'ai vu qu'en fait, c'est durant les rapports sexuels. Je suis pas sûr, hein, tu sais, parce que je l'ai vu. Que durant les rapports sexuels, ça, comment dire, c'est pour éviter que ça s'effrite en fait. Que ça s'effrite, c'est-à-dire. Tu vas rouler un ouange après? Tu t'effrites la peau. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, parce que regarde les mecs qui font ça sans, enfin ceux qui se rasent les poils pubiens, ils ont pas de problème. Ça s'effrite pas. Ah bah moi je me les raserai plus jamais. Hein. Ça c'est fini. Mal. Mais alors tu vas laisser la totale. Ah bah je me suis rasé. Qu'est-ce que ça pique après? Oh, mon Dieu. Ah oui, mais c'est parce que t'as rasé, c'est parce que t'as pas l'habitude. Mais au fur et à mesure, si tu rases, tu sentiras plus cette gêne. Ouais. Ouais, mais voilà. Moi je me demande si c'est pas lié à la sueur ou au réchauffement de la bite. Ah oui, je crois. Parce qu'en fait les couilles, ce qu'il faut savoir c'est que les couilles doivent rester à une certaine température. Ouais, c'est pour ça qu'elles sont à l'extérieur. Degrés, exactement. Voilà. Et quand il fait trop chaud à l'intérieur, elle remonte pour réchauffer. Voilà. Et quand elle fait très chaud, en fait, elle tombe comme dans le sac. Je me dis, ce serait pas peut-être pour conserver la chaleur? Peut-être. Pourquoi? Bah, j'en sais rien. Alors, on sait que les sourcils par exemple, c'est pour retenir la sueur qui coule du front. Ouais. Ça fait comme une gouttière, donc et c'est pas pour retenir quelque chose le poil de la bite. En tout cas, Emmanuel Chien est tranquille, lui il a pas de souci à ce niveau-là, ça ne dégouillinera pas. Sous la douche, il peut fumer. Tellement il a de poils. Ouais. C'est vrai, c'est violent quand même lui, hein. C'est vraiment une ligne droite. Hein. Ouais, mais il devrait épiler, en fait, il devrait faire un truc. Ouais, il devrait faire un truc, ouais, un peu épilé, mais enfin bon, après il fait comme il veut. Hein. Non, c'est sa marque de fabrique, maintenant on sait tout, on le reconnaît grâce à ça. Enfin, c'est ça. Ouais, c'était en tout cas à l'époque. C'est son logo. Bon, bah écoute, merci quand même, Geoffrey. Hein. Ouais, d'accord. Et j'aimerais réagir aussi aux personnes qui sont chiantes dans les transports en commun. Bah vas-y, quoi, t'es chiant toi ou pas? Non, pas ça. Mais en fait, pendant les vacances là, j'allais avec le Beffroi. Dans le Beffroi, il y a un centre où on fait des activités. Et pour pas cher, on fait genre, acrobranche, laser game, Walibi, bref, plein de trucs. Ouais, et, la merguez, tu fais la merguez? Comment? La merguez, l'aquabranche et la merguez. Non! Le laser game. Ah, j'ai entendu la merguez. Laser game, tu vois le truc où tu perds là? Ouais. Le truc où t'as fini 20ème sur 20. Non, il y a eu un problème, alors bon. Ouais, moi, c'est ça. Il devait des points au laser game. Non, mais Christophe, c'est pas vrai? Non, moi je voulais te défendre, mais là je peux plus. Donc en fait, non, c'est normal. T'as été mauvais. Enfin, bon. Quel bouffon celui-là. Bon, et donc du coup, Geoffrey, vas-y, dis-nous. Eh ben cet après-midi on devait aller au ciné, du coup on prend le tram jusque Valenciennes. Ouais. Et dans le tram en fait j'étais avec mes camarades, puis mes camarades ils parlaient, bon ils parlaient un petit peu fort c'est vrai, mais c'était pas non plus fort quoi. Et puis il y a un vieux qui était pas loin, alors, il fait « Vous allez fermer votre gueule bande de sales gosses, vous me cassez les couilles !» Ah, il était un peu énervé hein. Ah, j'étais choqué. Bah oui, mais oui, bah oui. Ah, c'est les vieux. Bah en fait, moi j'ai senti les vibrations sur mes oreilles parce que j'avais mon casque en fait et j'avais rien entendu. Alors j'ai senti les vibrations, j'avais mon casque, je demande ce qui se passe et y a ma camarade qui me dit c'est le vieux qui a de gueuler. Mais en même temps, si tu dis toi-même, bon, c'est vrai, il parlait un petit peu fort, j'ose pas imaginer à quel point le volume devait être. J'ai dit ça va, il paraît pas trop fort non plus, il parlait mais comme je te parle là quoi. Ah d'accord, ok, ouais bah peut-être que le mec il avait passé une mauvaise journée, bah je sais pas après. Puis, hein. Ouais je pense plutôt qu'il était rongé par l'alcool, il avait passé une tête à boire de l'eau celui-là. Oui c'est possible aussi, c'est peut-être effectivement ouais. Non mais après c'est même pas spécialement jugé sur les mecs qui ont des problèmes, tu vois, genre alcool tout ça, mais t'as des gens qui sont vraiment pénibles, qui ont vraiment le don de casser les couilles pour casser les couilles. Voilà, ah ouais, dans les transports par exemple. Comme Christophe. Ouais. Par exemple aussi, ouais. Bah merci en tout cas Geoffrey d'avoir appelé. Salut tout le monde sur Call of. Hein. Ouais d'accord. Je peux passer une petite dédicace. Eh ben petite okay. Alors, une seule personne, choisis la bonne. Ouais d'accord, je te remercie. Une dédicace à ma famille qui est partie au Maroc et que je suis tout seul chez moi. Voilà. Ah bah ça va, c'est pour ça que t'es sur Call of là. Je suis posé là. Je vois ça. Tout ce que tu veux, télé. Tranquille. Porno. Voilà. TV, porno, PS3. Ah il manque une petite pizza et t'es au top là. Je l'ai bouffé. Il y a peut-être une heure ou deux. Eh ben écoute, très bien. Bah, bonne digestion alors. Bon bah salut Geoffrey. Plutôt bonne nuit. Ouais bah ça dépend ouais. Après faut voir ouais. Hein, quand tu vas dormir. Salut Geoffrey, bon. Ciao à toi, à bientôt. Salut, ciao. Bye. Il y a Alicia qui est avec nous. Attends, avant, c'est Cédric qui dit les poils, c'est à cause des bactéries, ça protège le sexe homme et femme. Et Loris, enfin c'est Rémi plutôt qui dit les gars, je vous écoute depuis plus d'un an et je vous kiffe, je vous écoute tous les soirs, continuez comme ça. Merci Rémi, mais on n'était pas là il y a un an, on est là depuis le mois de juillet seulement, ouais. Depuis le 22 juillet, je crois, ouais. Un truc comme ça. Donc, mais c'est gentil quand même, Rémi. Et puis un message qui dit Polo tout à l'heure dans Polo contre le reste du monde. Ce sera tout à l'heure, Polo contre le reste du monde. D'ailleurs, si vous voulez participer, vous pouvez appeler dès maintenant. La seule émission où vous ne gagnerez rien, sinon vous faire accrocher à la gueule. Et Billy qui dit les poils pubiens, comme les poils de dessous des bras, sont là pour servir de roulement pour éviter les échauffements lors de frottements. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Eh bien, merci Billy. Mais il n'y a pas de roulement à la bite. Encore sous les bras, je veux bien. Mais si, c'est ça le fameux roulement à bite. Mais non, mais c'est pas mal. Quand t'es avec ta meuf, par exemple, en pénétration. Ouais. Et que tu restes à l'intérieur et que ça peut, il peut y avoir un peu de jeu. Ouais. Ah, ouais. J'imagine. Non, mais ça paraît pas plausible après l'histoire. Oui, après, oui. Ça paraît en tout cas. Bon, Alicia. Oui. Ça va, t'es toujours là ? Oui, je suis toujours là. Bon, tu voulais parler de ton métier, toi, c'est ça ? Oui, en fait, je voulais parler au sujet des métiers artistiques parce que j'ai pas assez d'informations concernant ces métiers et j'aimerais bien mettre en projet ce métier dans quelques années, quoi. Écoute, tu as bien fait de nous appeler car nous sommes hyper spécialisés dans ce domaine. Bah, Polo est un grand dessinateur. Hein. Exactement, oui. Bah, deux bits hein, seulement, malheureusement. Oui. Mais bon, il essaye de trouver d'autres trucs au fur et à mesure. Il fait bien les formes géométriques aussi. Oui, il fait très bien les. Oui. Et il pourrait même, je pense, faire des fresques de lignes. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Bon, et donc, quoi, tu veux devenir dessinatrice, mais pourquoi tu prends pas des cours spécifiques ? Bah en fait, j'ai voulu rentrer dans les beaux-arts au départ, mais le souci c'est que j'avais pas du tout le niveau pour rentrer. Parce qu'il faut démarrer niveau par niveau, hein, tu rentres pas directement au top. Ah non mais oublie les beaux-arts, oublie Boulle, oublie toutes ces grandes écoles, hein, c'est les arts déco et tout, parce qu'il faut avoir c'est un putain de niveau. Hein. Et après, est-ce qu'il n'existe pas des moyens genre monter son auto-entreprise, des conneries comme ça, quoi. Mais apprends d'abord à dessiner. Bah oui, mais tu sais dessiner ou pas? Ah oui, j'ai le don, hein, ça. J'ai... Ouais, mais dessiner, c'est gagné ou... Mais tu dessines quoi ? Qu'est-ce que tu dessines, par exemple ? Je dessine de tout, portrait, manga, tout style de tatouage. D'accord. Aussi, je fais pas mal de choses. Non, parce qu'il faut être sûr, parce que... Bon, moi, je connais quelqu'un, c'est assez compliqué, d'ailleurs, comme situation, parce que t'as une meuf qui démarre dans la photo. Bon, tu sais, elle s'est acheté son appareil, machin. Elle arrive, elle me montre une photo, elle me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Non mais ça va, mais enfin tu vois, non mais la photo sur 200 photos, il y en avait une ou deux qui étaient bien et le reste c'était une photo, enfin je fais la même quoi, tu vois, je veux dire. Alors, en plus elle sort, tu sais, elle retravaille rien, tu vois. C'est tout brut. Bon, pourquoi pas. Et donc je dis bah écoute, c'est pas mal, c'est vrai que pour un début, c'est pas mal. Et donc elle dit ouais, bah, j'aimerais bien exposer. Oui, bon, enfin, t'emballe pas, hein. Chaque chose en son temps, travaille un peu mieux d'abord, mais directement, les gens, ils veulent exposer, ils veulent faire du fric, c'est ça, tout de suite. Ouais, non, c'était même pas spécialement son kiff, c'est juste être reconnu en tant que photographe, mais bon, chaque chose en son temps, tu démarres pas photographe comme ça, tu vois, tu t'es pas non plus animateur, ce soit radio, télé, en claquant des doigts, ça c'est au fur et à mesure, tu t'apprends plein de trucs au fur et à mesure, t'arrives pas comme ça en sonnant, en disant bonjour, j'ai vu la lumière. Je peux venir? Bah, il y en a qu'on fait comme ça. Non, mais il y en a. Avant, c'était plus facile, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Après, il y a des mecs en radio qui en touchent pas une et qui sont là quand même, tu vois. Mais bon, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Oui. Même s'il y en a encore qui arrivent à passer pendant les mailles du filet, mais bon, voilà, c'est plus compliqué. Bon, il y a Tof qui est là, quoi, par exemple. Oui, mais bon, moi, alors que toute sa famille est banquier. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, donc lui, de génération en génération, ils ont blanchi de l'argent en Afrique, enfin des trucs. Voilà, et le petit balance. Exactement. Et il y a trop tard, il y a prescription. Il y a que lui, c'est l'erreur de parcours. Et là, les parents et tout, ils vont oui bonjour, voilà. Huissier. Bah attention, toi, il y a quand même un lien avec la banque, mais nationale. Oui, bah voilà. Oui. Ah ça, je parle en ce moment, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Hein. Oh là voilà, là. C'est le seul lien qu'il a avec la banque. Hein. Papa doit être fier. Ah bah oh là là, très. D'ailleurs, s'il pouvait accepter mon échéancier, ça serait cool. Voilà, bon comme ça au moins le message est passé aussi. J'espère. Bon, donc Alicia, écoute, reste avec nous. Dites-nous d'ailleurs si vous avez peut-être des métiers un peu particuliers, enfin pas particuliers, mais originaux qui sortent un peu du commun. Et puis bah qu'est-ce que c'est, comment vous avez fait pour y arriver, voilà, bah appelez-nous, ça peut être sympa d'en parler aussi, tiens. Et moi je voulais juste te dire un truc, c'est il faut apprendre la technique. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que tu peux avoir de manière innée et machin et tout, mais il y a plein de genre par exemple des gens qui font de la photo, enfin pour connaître le mec qui fait des photos avec nous, enfin c'est il y a plein de réglages sur l'appareil que tu peux pas apprendre comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas deviner où c'est. Ouais. Ah oui, la meuf que je connais fait tout en automatique. Hein. Ah oui, bah voilà. Oui, voilà, donc tout est en full automatique, donc mais c'est voilà. Bien les photographes, on est tous. Moi avec mon iPhone aussi je fais des belles photos. Hein, mais bien sûr, voilà. Ouais, tu mets un filtre et puis t'es au top. Mais 12 filtres même. Bah voilà, c'est ça, tu mets le filtre du filtre du filtre. Ouais. Ouais, et ça s'appelle un coup de bol. Bien. Et ça s'appelle un coup de bol aussi, effectivement. Ouais, voilà, ouais. Donc il faut au moins apprendre les bases. Après, ouais. Après tu te débrouilles. Mais... Bon, mais après, on dit pas que tu sais pas faire, hein, Alicia, mais ça c'est juste qu'il faut, il faut perfectionner. Disons, je dessine depuis l'âge de 3 ans, donc j'ai appris toute seule les bases et tout. Non, mais encore des détails à arranger. Hein, mais bien sûr, voilà. Mais c'est ce qu'on te dit. C'est que t'as certainement les bases, effectivement. Mais après, t'as toujours les petits détails, les petits plus qui font que tu vas sortir de la masse des dessinateurs. Mais reste avec nous, Alicia. On va en parler dans quelques minutes. Bon, vous nous appelez, donc je compte sur vous. 01 42 48 5000, 02 851, 4x0 depuis la Belgique. Les derniers appels de Toff, c'est dans un instant. Juste après, un son qui a été fait exprès pour Toff. Eh oui, oh, exactement. Je suis, j'étais et resterai moi, ni l'un ni l'autre. Je suis, j'étais et resterai moi, ni l'un ni l'autre. Je suis, j'étais et resterai moi. Voilà, le son de Stromae, c'était bâtard. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toujours en direct, évidemment, il est 1h39 sur Fun Radio. Vos messages encore qui vont débarquer dans quelques minutes. Alicia aussi, qui veut devenir dessinatrice. Et donc, elle voulait savoir un peu comment ça pouvait se passer. Mais c'est surtout, est-ce que vous avez envie de faire des métiers un peu particuliers, genre qui sortent de l'ordinaire? Quand on dit particulier, c'est pas forcément des trucs vraiment spé, mais qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Et comment est-ce que vous avez déjà, comment est-ce que vous avez réussi à arriver à vos fins si vous êtes déjà dans le métier? Et comment est-ce que vous comptez faire, hein, pour une fois qu'on parle pas de cul. Oui, c'est vrai. Pour c'est bien. Fois, profitons-en. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Vous pouvez bien sûr aussi balancer tous vos messages avec le hashtag Mickaël. Bon, on va continuer. Bah, je disais qu'on parlait pas de cul, mais on va en reparler un peu vite fait quand même. Ah. Puisqu'il y a toujours le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, donc, est le suivant. Dans quel endroit est-ce que vous préférez faire l'amour? Dans quelle pièce de la maison, hormis la chambre? Puisqu'on s'est rendu compte que 17% des Anglais kiffaient faire l'amour dans la cuisine. Ah oui. Oui, mais moi je comprends pas pourquoi les Anglais aiment faire l'amour dans la cuisine. Parce que de toute façon, ils savent pas quoi faire d'autre. Hein, puisque de toute façon, la bouffe qu'ils font, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais parce que, je sais pas, c'est pas un endroit qui me donne envie de faire l'amour, quoi. Bah écoute, ça dépend si le truc est propre. Ouais, mais non, je sais pas, c'est... Genre, il vient d'être lavé, un truc comme ça, je sais pas, faut voir. Bon, du coup, on va appeler maintenant, grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va, on appelle tout de suite. Et puis, on aura aussi Major Lazer à suivre. Et comme... Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir dans quelle pièce de votre maison vous aimez faire l'amour. Vous êtes sur répondeur automatique. Oui. Vous pouvez raccrocher et je raccroche moi aussi. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. Alors, le répondeur raccroche aussi. Ah, c'est pas mal. L'improvisation du répondeur automatique, elle est pas mal. Bon, du coup, on va le rappeler. Il regardait quoi? Chasse et pêche ou quoi? Je sais pas, ouais. J'avais l'impression, vu la voix du reportage, quand même. Bon, on rappelle. Allez, putain, ça m'aidait à m'endormir, chasse et pêche. Ah, allô, monsieur? Oui. Oui, non, je disais, vous n'avez pas répondu à la question. Quelle question? Ben, je voulais savoir dans quelle pièce de votre maison vous préférez faire l'amour, monsieur. Avec de la moutarde. Non, avec une saucisse et de la moutarde. La saucisse, elle saute de suite dans la moutarde. D'accord, mais dans quelle pièce, monsieur? On y était presque, là. On le rappelle. Oui. Ça me fait chier, là. Oui, mais c'est parce que vous répondez pas à la question, monsieur. Allô? Non, mais il a raccroché. Ah, bah non. Bah oui, si, bah attends, on va le rappeler, attends. Quel relou. Allez. Il a quasiment répondu en plus, c'est dommage. J'y ai cru. Hein. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonjour, monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé. Ben, mais c'est vous, coupez-vous, alors quoi? Mais oui, vous n'avez pas répondu à la question, madame, allô? Oh, dis donc, elle est aussi sympathique que l'autre, hein. Ah, bon, on rappelle encore un coup, quand même. On va essayer de retomber sur monsieur, quand même. Hein. Allez, encore une fois. Bon. Oui, monsieur. Oui, tu vas pas nous faire chier longtemps, hein. Bah, non, monsieur, mais répondre à la question. Mais non, mais monsieur, allô. Non, mais fous-moi le camp. Oui, fous-moi le camp. Encore une fois, ou on lâche l'affaire. Oh, allez, encore un petit coup. Bon, allez, encore une fois. Dernière pour la route. Une petite dernière, après, tant pis. Je suis pas sûr qu'on va tomber, monsieur ou madame, c'est 2-2, je pense. Non, 3-2. Oh, j'en sais rien. Allô? Oui, je m'excuse, madame, mais il faut pas le prendre comme ça. Mais attendez, qui vous êtes? Moi, je m'appelle Toff, madame. Vous êtes Toff? Non, mais attendez, vous arrêtez, monsieur, à sortir, vous n'avez pas honte. Allez, au revoir. Ah bah non, madame, allô. Bah, tu sais qu'après 2 appels, tu peux aller en prison. Hein. Oui, je sais. On en a fait 6. Ah bah c'est parfait, alors. Là, on est au top. Oui, ah bah... Tout un peu, là, c'est bah oui, merde. Ça lui fera du bien. Tiens, Hugo Réo qui dit demain, contrôle d'espagnol et de dessin, et j'ai toujours pas révisé. Avec Mickaël, on apprend bien plus de choses. Oui. Peut-être, bah. Peut-être, mais c'est gentil, Goréo. Mais après, le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ça te donnera la moyenne. Ça sert à rien, l'espagnol. Tu le parleras jamais. Oui, quand même. Non, apprends l'anglais. Oui, oui, bah, oui, à côté de ça, c'est mieux, effectivement. Mais bon, dans l'absolu, il faut quand même mieux réussir, malgré tout. Bon, on a perdu, malheureusement, notre ami qui voulait. J'ai oublié son prénom. Comment elle s'appelait encore Qui voulait faire du dessin. Qui voulait faire du dessin. Alicia. Alicia, exactement. On l'a perdu, c'est pas grave, mais il y a Stuart qui est avec nous dans Angers. Salut Stuart. Comme la souris là. Ouais, exactement, Stuart Little. Salut Stuart. Stuart. Est-ce que tu es là, Stuart? J'ai l'impression qu'on est en train de demander à un esprit s'il est là. Ouais. Stuart, Alicia. Esprit, tu es là. Oui. Ah bah alors Alicia s'appelle Stuart maintenant dans le standard. On est bon là, on est bon là, on est quand même bien là. Elle a changé de sexe en 10 minutes. Ouais, en fait, on n'a pas perdu Alicia, c'est juste que dans le standard, ils ont tout changé au niveau du nom, donc on est au top là, c'est parfait. Donc du coup, je ne sais plus qui. Alicia, t'es là? Ah non, bah alors il y a plus personne, c'est parfait. Hein, Sandro, on a repris toutes les lignes là, maintenant, hop là, on est en mode abandonné. Bon, c'est pas grave, il y a Jay Lapointe aussi qui dit salut l'équipe. Eh ben salut à toi Jay Lapointe. J'aurais voulu être tatoueur mais mes compétences en dessin sont limitées. Du coup, je suis boulanger. Oui, c'est mieux. En même temps, l'avantage avec le pain, c'est que t'es pas autant dans la finition. Mais ouais, et puis c'est tellement mieux le pain. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et Tony qui dit aussi dans le lit des beaux-parents mort de rire. Dans le lit des beaux-parents. Ah oui, l'endroit pour faire l'amour. Oui, oui, pourquoi pas, effectivement. Ah bah voilà, allez, si on l'a récupéré du coup, hein. Oui, c'est voilà, c'est parfait, très bien. Alessia, on l'a récupéré, c'est magnifique. On devrait vraiment avoir Nicolas aussi dans quelques instants là, mais bon, ça a l'air un petit peu perturbé. Ah, et Stuart. Ouais. Ah ben voilà, là, mais non, c'est bon là. Tous les noms étaient inversés dans le standard là. Ça a complètement bugué. C'est pas grave. Bon ben bienvenue Stuart. T'as 20 ans, t'appelles du 49 à Angers et tu voulais donner ton avis par rapport à Alessia, donc qui voulait faire du dessin. Alors vas-y Stuart, tu fais quoi comme taf? Ouais. T'aimerais bien faire quoi? Non, moi je suis agent funéraire. Ah ouais, putain, ça c'est bizarre aussi ça, effectivement. Eh mais c'est ouf ça. Attends, parce que agent funéraire en général c'est de père en fils. Bah oui. C'est presque ça. C'est-à-dire? Bah en fait mon père, moi, il est fossoyeur. Ouais. Donc fossoyeur, celui qui fait les tombes, enfin qui creuse. C'est ça. Ouais. Et du coup, bah moi, j'avais pas de travail, puis j'ai pas fait beaucoup d'études, donc du coup il m'a pistonné. Et puis en plus l'avantage c'est que c'est un métier d'avenir en ce moment hein, vu qu'il y a de plus en plus de mecs qui meurent. Oui c'est vrai. Et puis l'avantage c'est que le client ne râle jamais. Oui et c'est un métier qui ne connaît pas la crise. Oui bah ça c'est sûr. Hein. Ah ouais c'est sûr. Ah ouais putain mais ça doit c'est un peu glauque quand même. Enfin après il en faut hein, c'est bien hein, de le faire mais ça doit être un peu glauque. Moi je me souviens de la série Six Feet Under. Ah oui. Et c'était il y avait que ça en fait, c'est une famille de croque-morts. Ouais c'est ça. Et putain c'était glauque quoi quand même. Ouais il est lavé, il réparait tout en fait, il est maquillé et tout. Ouais voilà c'est pour qu'il soit quand t'avais un cercueil ouvert par exemple à l'enterrement, bah pour qu'il soit nickel en fait. Est-ce que tu crées des relations avec ces gens ou pas? Non moi en fait je fais simplement le convoi si tu préfères, moi je maquille pas. Encore un autre métier. Ah tu gères le corbillard toi. Oui il est convoyeur. D'accord. C'est le livreur. Ouais c'est ça. En plus t'es pas pressé parce que le mec en fait il arrive. Bon qu'il arrive en retard ou pas c'est pas grave. Non bah oui. Dans l'absolu il râlera jamais hein. C'est à part la limite la famille qui attend quoi, qui pourrait râler éventuellement. Ouais. Mais ça te fait pas peur? Moi ça me ferait peur d'avoir des morts dans le. Bah non, qu'est-ce que tu te fasses? Bah je sais pas. Ouais, c'est sûr, le tout premier convoi que j'ai fait. Je veux dire, je faisais pas le malin. Ah bah le client s'en souvient encore. Hein. Mais voilà, quand on arrivait pour chercher la personne, tous mes collègues, ils font ça depuis longtemps, donc ils étaient hyper détendus. Du coup, on a commencé à parler, et puis voilà, au bout d'une demi-heure, ça allait beaucoup mieux et c'est passé comme dans du beurre, quoi. Bah oui, enfin bon, il vaut mieux pas, mais utilise une autre expression. Mais oui, ah, effectivement, ça c'est bizarre. Et donc du coup, toi, et pour ça, il faut pas d'études, juste le permis, quoi. Non, parce que moi, ils m'ont pris comme ça, et bon, après, il y a des formations qui existent, hein. Mais voilà, j'ai appris sur le tas, quoi. Et bon, voilà. Après, évidemment, c'est moins artistique. Ouais. Forcément. Vrai. Bon, attends, reste à deux secondes. Il y a Nicolas également qui est avec nous, là, dans le nord, de Grande-Synthe. Salut, Nico. Salut, Mickaël. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ouais, je vais bien. Bon, alors, Nico, tu voulais donner ton avis, toi, aussi, par rapport à Alessia et par rapport à Stuart, du coup, qui est là ? Non, moi, je voulais donner ce que je voulais faire plus tard dans profession. Ah, alors, dis-nous. Ouais, je veux faire au jambon. Oui. Tu veux faire quoi ? Moi, pétard, je vais faire de la politique. Oh, quelle horreur. Ah là là là là. Putain, s'il y a bien un truc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut vouloir faire ça, même s'il en faut aussi. Mais moi, je peux t'expliquer, 10 000 euros pour être député européen et tu peux ne pas y aller, c'est pas grave, personne t'en voudra. Non, mais c'est... Oui, hormis pour ça, bien sûr, mais je veux dire... qu'est-ce que c'est chiant. Non, parce qu'en plus, député européen, tu vois, je veux dire, c'est t'as blindé de chances d'être élu, quoi. Non, il y a un truc qui est bien, ça va être dictateur. Moi, ça me plairait bien. Ouais. Mais un bon dictateur, tiens, un dictateur cool, je massacrerais pas les gens, mais tu sais, je dirais, toi, tu fermes ta gueule. Toi, tu dis que ta loi, quoi, c'est ça. Toi, déjà, ce que tu fais, non toi, tu fermes. Ouais, c'est déjà ce qu'il fait, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, mais à grande échelle. Ouais, c'est ça. C'est et, ça. Et tu veux être dictateur, mais dans le but. Tu veux être dictateur. Tu veux être homme politique, pardon. Mais tu veux faire quoi? Viser l'Elysée. Ah, toi, tu vises l'Elysée carrément. Et t'as raison, faut voir grand dans la vie. Mais oui, t'as raison. Numéro en antenne au cas où tu deviens président. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule place, quoi. Enfin, elle se libère régulièrement, mais bon, il faut avoir un peu de bol des tombées dessus, quoi. Non, mais le pire, c'est que après, tu veux faire quoi? Après quoi? Après président, parce qu'une fois que t'as fait président, tu fais quoi? Tu fais people dans Voici. Voilà. Voilà, c'est ça, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'une fois que t'as fait ça, t'as plus de but dans la vie, quoi. Bah, tu prends tes vacances, t'es payé jusqu'à la fin de ta vie, je te rappelle. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, t'es largement bien payé. Mais oui. Non, mais c'est des mecs, c'est toute leur vie, ils ont fumé les gens pour pouvoir arriver à ce poste-là, et une fois qu'ils ont. C'est fini, quoi, ils ont plus, tu vois, ils ont plus de vrai but. Bah, si, rester en vie. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. En général, quand t'arrives là, c'est comme le pauvre Jacques Chirac, là, aujourd'hui, regarde, là, il souffrait, évidemment, forcément, vu son âge. C'est triste, Non, mais c'est vrai, c'est qu'en général, une fois que t'as fait ça, regarde Nicolas Sarkozy quand il a pris le pouvoir. Il était tout jeune, tout jeune. Fringant, beau. Non, mais tu vois, il avait l'air jeune. Putain, un seul mandat, après, on lui a dit qu'il avait 15 ans. Oui, ça fatigue, hein. Oh là là, quelle horreur, mec, tu dors jamais, tout bordel. C'est un boulot qui est usé vachement, président, c'est quoi pas, mais bon. Ah oui, non mais c'est une horreur, hein, ça flingue tout. Carla Bruni, si elle l'avait su, elle l'aurait pas pris. Hein. Tu m'étonnes. Faire un pré-président, faut pas oublier que les présidents, après, ils peuvent faire des conférences, et puis ils siègent au Conseil constitutionnel. Oui, voilà, après, t'as un truc à faire aussi, c'est clair. Hein. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite bonne chance, Nicolas. Hein. Même ça, c'est l'occupation pour qu'il se suicide pas, tu vois, parce que sinon, après, à force de plus avoir rien à faire... Tu m'étonnes. Et puis l'avantage, c'est que jusqu'à la fin de ta vie, on t'appelle Monsieur le Président. Ouais, et ça c'est beau. Et ça c'est beau, même si tu l'es plus, on t'appelle quand même Monsieur le Président, et ça c'est bien. Bon, bah Nico, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Et puis le jour où t'es président, n'oublie pas de me rappeler, hein, on aura quelques PV à te faire sauter. Avec plaisir. Eh ben très bien, Toff, il viendra cul nu. Je peux faire une dédicace. Ouais, tu nous donneras la Légion d'honneur. Ouais, et moi je veux absolument travailler pour les renseignements généraux. C'est ça, Il recrute là en ce moment. Polo qui veut les RG. Non, il recrute des. Il recrute là. Des espions, il recrute James Bond. Oh, j'adore, je vais m'inscrire. Non. Mais non, parce qu'en fait, avant, c'était réservé à genre des. Enfin, il fallait suivre des études et tout. Et maintenant, en fait, ils vont recruter des. Pas des indiques, mais en gros, c'est un peu ça, c'est des mecs extérieurs. Ah ouais. Pour plein de postes. Et je vais postuler. D'accord, bah écoute. Et le recrutement a commencé là, ça vient juste de commencer. Eh bah, magnifique alors. Bon, bah, Nico, tu voulais dire un truc? Ouais, dédicace à vous. Eh ben, c'est gentil, Nicolas. Merci à toi. Nicolas, pas de problème. Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse sans problème. Ok. Salut, Nico. Ciao, bonne soirée à toi aussi. Stuart, encore un truc à ajouter? Ah, moi, la vie est belle, hein. Eh ben, tant mieux. Écoute, alors, profites-en bien, Stuart. C'est nickel, tant mieux. Salut, Stuart, à bientôt. Ciao à toi, bye bye. Et Alessia, écoute, n'hésite pas à aller jusqu'au bout de tes rêves. En tout cas, si t'as envie de devenir dessinatrice, fonce, n'oublie pas. N'oublie pas aussi de te renseigner, peut-être pour démarrer dans une petite école, tu vois. Pas la peine, même une école sans prétention, mais au moins t'auras des. disons que j'ai envie de faire un truc qui est assez là quand même, c'est portraitiste, et j'ai entendu dire que ça rapportait pas beaucoup de clientèle. Et ah oui, ça c'est sûr, oui. Et que c'est des métiers qui disparaissent en plus. Bah alors, c'est ça. Bah oui, il y a des appareils photo maintenant. C'est le problème, je connais vraiment pas le niveau de formation qu'il faut ou quoi que ce soit, donc... Mais c'est pour ça, renseigne-toi, ne fût-ce que tu tapes école de dessin sur Google et tu vas trouver des écoles. Hein. Après, il suffit de les appeler, prendre rendez-vous, voir un peu, et puis après, tu poses des questions à ceux qui sont vraiment dans le métier. Là, pour le coup, ils pourront te répondre plus facilement. Hein. Après, si je monte une auto-entreprise, ça peut très bien marcher, vous croyez ? Bah, moi, je te dirais non, parce que là, pour le coup, tu me dis justement toi-même que tu as besoin de plus d'informations. Donc, si tu commences à devenir indépendant d'un métier que tu ne maîtrises pas encore à 100%, c'est le casse-pipe assuré. Hein. Bah ouais. Donc moi je dis, vas-y, chaque chose en son temps. Oui. Il vaut mieux. En tout cas, moi après tu fais comme tu veux. Hein. Moi je te donne simplement mon conseil. Mais après, évidemment, c'est toi qui gères. Oui, là en ce moment, voilà, je recherche un emploi pour me remettre déjà sur pied. Et puis après, je mets ça en projet dans quelques années. Hein. Ben voilà, mais c'est très bien. Voilà. Ben voilà, et sur Lyon, tu fais. Et tu cherches un emploi dans quoi, Alessia ? Profites-en, hein, comme t'es à la radio. Dans tout et n'importe quoi, hein, du moment que je vois. C'est pratique. Parce que c'est un petit peu dur là. Oui, mais, bah, j'imagine, ouais. J'ai fait des études dans le paysagiste et je recherche spécialement déjà dans ça. D'accord. Donc, on va bien voir déjà. Je recherche un petit peu. Très voilà. Bien. Eh ben écoute, le message est passé. En tout cas, il n'y a pas de problème. Si vous êtes intéressé, eh ben, vous nous appelez 01 42 48 5000. Voilà. Je peux passer juste... En fait, vous parliez tout à l'heure des transports en commun. Je peux dire une chose sur les transports en commun ? Vas-y, ouais. Bah en fait, ce qui est chiant aussi, c'est quand on rentre et quand il y a l'école au fait le matin, il y a tous les gamins là, dans le bus et tout. Bah oui. La dernière fois que j'étais monté, j'étais obligé de me mettre carrément sur la barre de devant à côté du gars qui conduisait. Et les gamins qui rentraient et tout, je me bouffais carrément la porte vitrée. Non, ce qui est chiant avec les gamins, c'est quand il y a le sac à dos. Ouais. Ah ça oui, c'est relou, non mais c'est vrai, ça c'est relou, le sac à dos, le cartable ou un truc comme ça, parce que du coup ça prend vraiment de la place, méchant. Mais après oui, bah écoute, faut bien qu'ils prennent le bus. Hein, Ah ouais, mais ce qui est chiant c'est qu'on s'est bondé et après quand on est en plein milieu, qu'on gêne et qu'on se bouffe la porte à chaque fois. Je sais bien, peut-être qu'ils se disent la même chose, hein. Putain qu'est-ce qu'elle est conne, elle me saoule, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de place, putain elle est relou, c'est possible, ouais. Bon, en tout cas, bon courage ceux qui vont prendre le métro demain matin, ou le bus, ou n'importe quoi, ou le tram demain matin s'il va être bondé aussi, bon courage, ben, gros bisous Alicia en tout cas. Je peux passer une dédicace ? Allez vas-y, on speed à une personne, choisis la bonne. Alors je passe une dédicace à toutes les personnes qui me reconnaîtront et à tout le monde qui m'écoute ce soir. Et très bien. Vous déchirez tout, donc continuez comme ça. Bah, c'est gentil Alicia, je te fais des gros bisous. Merci, gros bisous. Salut Alicia, il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Il y aura le résultat du top tweetos, le temps de se faire comme promis. Le son de Major Lazer maintenant sur Fun Radio et Sean Napol, c'est Come to Me, 1h55 sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Major Lazer à l'instant sur Fun Radio, c'était Come to Me. Il y a Brandon qui dit, moi je veux être DJ, mort de rire, c'est un rêve depuis tout petit. Bon, mais ça c'est tout, ça c'est gérable à la limite. Il y a Goréo qui dit, si je connais le mot Coronés grâce à vous, Coronés, oui, c'est les couilles en espagnol, ça va te faire ramener des points, tiens, Goréo là. Par contre, tu gères pas au niveau de l'orthographe encore. Hein. Il y a Gilles Gillot qui dit, Mickaël, tu déchires tout, continue comme ça, c'est de la déconne. Eh ben, merci beaucoup pour le message. On va se faire Polo contre le reste du monde maintenant avant le top tweetos là. Allez bon, hop, c'est parti, on y va. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio. On est de retour. On est retour, j'ai du mal à parler le français ce soir. La fatigue. On est de retour dans les studios. Si vous voulez vous faire baptiser, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Moi, le grand maître de la confrérie des doux. On va commencer tout de suite avec Momo. Momo, je t'écoute, bienvenue. Ouais, Polo. Ouais. Comment ça va ? T'es trop mou, Momo. Bouge un peu ton gros cul là. Marvin ! Ouais, Polo, comment tu vas depuis le temps ? Bien, Marvin, c'est toi ? Non, c'est pas moi. Bah bon, c'est pas... Bah alors, au revoir, alors. Maxou ? Ouais, bonsoir, Polo. Salut, Maxou. Je t'appelle parce que demain, je pars en voyage à Bikini Bottom. Je voulais voir si quelqu'un voulait venir avec moi dans le monde de Bob l'Éponge. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Mais t'es pourquoi tu vas faire quoi chez Bob l'Éponge ? Eh ben, on va manger ses hamburgers, on va à la pêche aux méduses. Et comment elle s'appelle, l'étoile de mer, là ? Patrick. Et ah, il y a Patrick, il y a Bob, mais ben, tu vas être bien là-bas chez Bob l'Éponge. Bah oui, je cherche quelqu'un avec qui partir avec moi. D'accord, ben ici avec toi qu'il se manifeste. Alan, bienvenue. Allô ? Salut Alan. Ouais. Est-ce que je pourrais passer d'où, Polo ? Tu veux passer d'où ? Ouais. Ça veut dire quoi exactement, passer d'où ? Bah Bah, de venir d'où? Ah, bah bien sûr, Alan, bienvenue. Comment t'appelles-tu, Alan? Alan. Alan, insulte-toi. Je suis un bouffon, j'ai une sale gueule, je pue la merde. Je suis qu'un sale blaireau. Bon, ça suffit, est-ce que tu as ton téléphone dans ta main? Oui. Tape-le-toi contre la tête. Encore. Bravo Alan, par les pouvoirs qui me sont conférés, tu es le doux, tu es un doux. Bravo. Et comment il s'appelle? Le doux qui porte son verre bien haut. Très bien. Ok Alan? Oui. Bon, tu notes tout ça, bon, tu dégages ou je te raccroche au nez? Ouais, je dégage. Allez, dégage. Loris, bienvenue. Ouais, Polo, comment tu vas? Bah bien et toi? Oh, bien, bien, j'ai vu une photo de toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes cheveux, ils ont glissé, non? Ils ont pas glissé, j'en ai plus, ouais, je les rase. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Mais ils ont glissé sur ton visage. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors? Ah, j'ai voulu faire une vanne, mais je me suis raté en fait. Ouais, t'as vu, c'est de la merde, hein. Ça se prépare, ouais. Une vanne. N'est pas drôle qui veut, me Loris. Hugo! Je suis perturbé, là. Parce que Polo il s'est rasé. Attends, parce que Polo il s'est rasé la barbe et la moustache. Les cheveux aussi, donc en fait il reste plus que les sourcils. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Et là je fais une fixette là-dessus, je ne vois plus que ça maintenant. Mais c'est parce qu'en fait je me suis pas rasé la barbe, enfin vraiment depuis 6 mois. Ah oui, c'est ça. Et là je fais une fixette, il n'y a plus que les sourcils en poil. On voit que ça en poil. Ah ouais, c'est violent. Il y a la bite aussi, mais il trouve du cul, si tu veux voir mon trou du cul. Tu vois. Donc on était où? Hugo, 14 ans, je t'écoute. Oui, Franté, tu es fada de ma place là, tu es fada, tu as vu l'heure? Tu as Hugo, vu l'heure, Franté? Hugo. Oui. Personne t'a appelé, c'est toi qui as appelé. Isvan. Polo. Ouais. Je comprends là. De quoi? Je comprends là. Je comprends pas ce que tu dis, Isvan. Bah moi j'habite dans le nord. Bon les casse-toi, oh là là, ils sont mous. Momo. Ouais, Polo. Vite, on y va. Ouais, je t'aime. Merci. Marvin. Ouais, donc tu te souviens de moi, non? Oui, c'est toi qui devais faire une blague il y a 2 mois, mais tu l'as toujours pas faite. Oui, non mais oui, mais j'en ai des bonnes, t'inquiète ouais, pas. Ouais, bah parfait, bah on va attendre. Maxou. Ouais, Polo, juste pour dire qu'à la personne qui est intéressée de partir avec moi en voyage, ce serait bien qu'elle ait un escargot de compagnie pour la présenter à l'escargot de Bob et on ferait un mariage. D'accord, Maxou, Alan. Polo. Ouais. Je peux te raconter une blague. Après, Loris. Je peux raconter une blague. Non, Hugo. Ibrahimovic. Ok, Isvan. Bah moi j'ai toujours pas eu mon message. Bon allez, conclusion, on y va, Isvan, on conclut. Mais moi je voulais être cheval. Allez, dégage, Hugo. Hugo, conclusion, on y va. Oui. Oh là là. Je peux me raccrocher la gueule. Allez hop, c'est fait. Loris, conclusion. Raccroche-moi la gueule. Ok, allez hop là, Alan. Eh, hey, Polo, une tache jaune qui tombe dans l'immeuble, ça fait quelle couleur? Je sais pas. Jaune, une tache noire qui tombe dans l'immeuble, ça fait quelle couleur? Noir? Non, un afro-américain. C'est hey, Alan, fous-moi le camp d'ici, c'était pas drôle, c'était vraiment pas drôle. Maxou, conclusion. Conclusion, Xoxo YOLO. Bon bah écoute, Xoxo YOLO et puis bon courage chez Bob l'éponge. Merci beaucoup, je t'appellerai, je te donnerai tes nouvelles. Ok, ciao. Momo, conclusion. Je peux passer une dédie? Vite. Une petite dédie à Adrien. Ok, cool. Et Marvin, conclusion? Oui, non mais alors tu le laisses faire ou pas la blague? Non, tu reviens demain, Marvin, je préfère. Non, mais j'aime bien te garder près de moi. Au revoir, Marvin. J'aime bien te garder près de moi. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça fait plaisir. Exactement, avec ce grand talent là, incroyable. Et les sourcils. Eh bah surtout les sourcils, effectivement. Bon, allez, c'est parti. On va dans un instant, on va se faire le générique de fin comme d'hab. Et puis on a le top tweetos là. On va enfin savoir quel est le gagnant ou la gagnante ce soir. Alors, quel est donc le numéro 5? C'est une bonne question. Bah oui, justement. Bah, réponds, question que je pose. Bah, voilà. Une seconde, je ne peux pas y répondre comme ça. Voilà, merci, Tuff. Il faut que la machine se concentre. Et oui, bah qu'elle se concentre. Ouais. Alors, bon. C'est donc cinquième. C'est Jin Jong Wing, numéro 4. Chocotoff. Numéro 1, qui a perdu les plumes alors. Ouais. Numéro 3. Hugo Réo. Numéro 2. Fred S34. Et numéro 1. Magda. Et Magda qui a déjà gagné. Hein, donc, oui. On y va aller voir chez qui alors du coup Chocotoff ou alors Jin Jong Wing. Eh bah non, bah Chocotoff alors. Renseigné, mieux classé. Donc voilà, bravo à toi, le sextoy offert par passagedudésir.fr. On remettra encore une fois en jeu, bien entendu, demain à partir de 23h. De 23h sur Fun Radio en direct, bien entendu. Bon, allez, c'est parti, on se quitte maintenant avec le générique de fin. Ouais. On y va, comme chaque soir. Merde, toi l'enculé, tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Non, personne t'encule comme toi. Ta gueule de merde. Toi l'enculé. car c'est toi qu'encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. T'es un gros débile, sérieux, t'as rien dans le crâne. Bah oui, sur mon avis, on va un petit peu de ça. On va venir te défoncer le cul, espèce de BD. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je te prends un coup de pied au cul, et comme ça, je te jure que ça va te passer envie de chier quelque part, espèce de gros bâtard que tu es. Eh oui, ils sont canadiens, effectivement, oui. Bâtard que tu es. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoffes, te soucier, toi l'enculé. T'es un enculé, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, allez hop, on se retrouve demain en pleine forme sur Fun Radio à partir de 23h. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Eh bah oui, quasiment 410 000 sur le Facebook de l'émission, merci beaucoup. Et puis bah tout sur le Twitter également, jusqu'à demain vous pouvez y aller, enfin jusqu'à demain, jusqu'à quand vous voulez, mais demain aussi, vous tapez MIKL officiel sur le Twitter, sur l'Instagram, vous me suivez, je vous suivrai également. Et pareil aussi, hein, si vous voulez venir, pardon, je suis en train de m'étouffer. Si vous voulez venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube de l'émission ou sur le Facebook, vous tapez également MIKL officiel. Bonne nuit à Sandro. Bonne nuit, à demain. Tu vas faire quoi? Bah je vais rentrer. Je vais aller à la piscine. Ah voilà, elle va aller faire un petit peu. Ça fait combien de temps que t'es pas allé à la piscine? C'était ce matin. Voilà, et tu iras la prochaine fois quand? Bah demain matin. Oh là là, ce gros mytho. Parfait. Si, je te jure, je souffre. Tu vas faire quoi maintenant? Moi je vais la regarder Jack Bauer. Ah bah oui, évidemment, ah bah évidemment, ouais. évidemment. Et demain... Je ne veux pas dormir depuis tout à l'heure, tu te plains que t'es fatigué. Oui, c'est ça, il est fatigué, ouais, mais il va regarder. S'il faudrait, mais il y a Jack Bauer, je peux pas. Bah j'ai vu les deux premiers épisodes, je suis un peu déçu pour l'instant. Ah mais non, ils sont énormes. Non, je sais pas, je suis déçu, c'est la même chose, ça m'a saoulé. Oui, c'est Jack Bauer. Non mais d'accord, mais je sais pas, enfin bon bref. Non, attends, quand on a aimé Six Feet Under, on critique pas Jack Bauer. Non mais j'aime bien, j'ai regardé les 8 saisons, nickel, mais la 9e, j'attendais quelque chose d'un tout petit peu différent. Oui, mais t'as regardé le dernier épisode de Dexter et ça là, tiens. Ouais, mais c'est vrai. Et Polo qui va faire quoi là? Je vais aller dormir. Très bien. Bon, bah vous aussi, bah bonne nuit tout le monde. Moi aussi, je vais y aller. Hein. Je vais. Bah, le temps que j'arrive à ma voiture, il sera à peu près 3h30 du mat. C'est ça. Hein, le temps moi, que j'aurais déjà fini le premier épisode. Voilà, le temps que je marche tranquillement jusqu'à la voiture. Et puis on se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio. Excellente nuit. C'est le son d'une flan non-stop jusqu'à 6h. Ciao. 23h, 2h. Test down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio.